Et yo les loulous, c'est Antonin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Intérieur Nuit, le podcast consacré à beaucoup de choses mais principalement à écrire des films qui ne verront jamais le jour. Aujourd'hui nous sommes, Théophile et moi, avec deux invités, donc je vais leur demander de se présenter d'abord. Tanguy, est-ce que tu peux te présenter ? Oui bien sûr, du coup moi c'est Tanguy, j'étais déjà sur deux autres podcasts. Précédemment. Tu as été là plus souvent que nous. Oui. Voilà. Il était vraiment à ma place la dernière fois. En fait, je suis tout seul. Il est très bon imitateur en fait. Et ventriloque. C'est que du montage. Il parle et voilà, je suis caméraman. Je redouble à chaque fois ses interventions. Et voilà. Et que, vu qu'il a parlé en même temps, il a dit qu'il était caméraman professionnel. Il est caméraman professionnel. Oui. Là, c'est le moment où je redouble ce qu'il dit. Est-ce que tu es caméraman professionnel ? Alors, la légende raconte que je suis caméraman professionnel, mais tu sais les légendes. C'est quoi un caméraman ? Alors, c'est comme moi, c'est comme moi, mais en professionnel. Est-ce que tu tires des objectifs quand tu fais un signe avec ta main comme ça ? Bah, bien sûr, on est obligé. C'est le signe de Spider-Man. Là, je le fais comme ultra radiophonique, ce truc. Je fais le signe de Spider-Man avec ma main, et comme si c'était une toile, en fait, tu vois. Un truc des plus radiophonique. Parce que les objectifs sur une caméra, c'est ce qui... Allez, la suite. Tu zoomes souvent ? Moi, je zoome constamment. Moi, j'ai tâté de la cam et franchement, moi, je zoome à donf. J'ai zoomé une fois aussi. Ouais. Moi, j'ai zoomé une fois. Fais pas genre. Okay. Nous sommes avec également Louis. Bonsoir. Ça va ? Est-ce que ça va, Louis ? Bonsoir, Louis. Écoute, ça va. Est-ce que tu peux te dire ce que tu fais ? Alors, qu'est-ce que je fais ? Je suis en retard, études d'audiovisuel. Oui, j'étais en retard aussi, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, c'est une bonne question. Je suis en études d'audiovisuel dans le son et je travaille aussi dans un studio d'enregistrement, voilà. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que dès qu'il est arrivé, il a fait « C'est quoi cette installe de merde ?» Vraiment, on enregistre avec des tomates farcies, hein, donc... Il y a quand même pas, ne l'écoutez pas. L'équivalent de en micro. Qui veut un objectif ? On en a un revendre. Pardon, excusez-moi. Allez voir ma chaîne Le Bon Coin, s'il vous plaît. Chaîne Le Bon Coin. je possède le site leboncoin.fr. Je sais pas si tu connais. Bon, j'y vends des objectifs. Donc, c'est moi, mon URL. Je suis un aficionado. C'est un peu. T'es un fanat de. Ah ben moi tous les soirs, j'achète sur Le Bon Coin, je vends. Zoom, je dézoome. Il est complètement gaga des caméras, ce gars. C'est incroyable. Il est gaga, ce gars. J'espère que ça va, vous deux. Et donc Théophile, est-ce que tu peux te présenter quand même ? Bonsoir Antonin. Bonsoir. Moi c'est Théophile, comme d'habitude. D'habitude je suis votre hôte, mais là pas cette fois. qu'est-ce que je veux dire ? Si, je voulais parler, merci à tous les gens qui ont mis des avis sur iTunes, des petits 5 étoiles. Pas merci au gars ou à la meuf qui a mis 3 étoiles. Parce que 3 c'est bien, mais pas top. Bon, c'est... Surtout pas top, hein, de mon point de vue. Alors, moi, il s'est juste peut-être pas rendu compte qu'il avait oublié de mettre les deux autres étoiles. Il les a oubliées à la maison, il est parti trop vite. C'est ça, peut-être qu'il avait plus assez de crédit étoile sur iTunes. L'erreur est humaine. Il avait déjà donné 5 étoiles à un autre podcast. Bref, n'hésitez pas à aller mettre des petits commentaires. Merci à la personne qui a mis un commentaire. Très gentil, qui nous compare à 2 heures de perdu. First. Oui. Alors, ceux qui n'écoutent pas le podcast habituellement... Je ne savais pas, mais 2 heures de perdu, c'est très très bien. Voilà, c'est un peu ce sur lequel je me base. Voilà, cette fois, je le dis en début de podcast parce que je sais que personne n'écoute jusqu'à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un avis sur iTunes. Et, On n'enregistre même pas jusqu'à la fin, donc ça sert à rien. Oui, non, mais ça sert à la fin. Moi, je me barre, au bout d'une heure, je me barre. Sauf cette fois-ci où vraiment ça vaudra le coup. Ouais. Je vous le garantis, je vous l'assure. J'ai un jeu. Et donc, moi, je me présente. Putain, il a bidé, le talent, juste après le bide, tac. Tu fais de la voltige ou... Je suis équilibriste, ça se voit. Moi c'est Antonin, j'anime aujourd'hui cette émission et je suis également le petit-fils du père Fouras. Je ne crois pas. Non, bah si. T'as pas les traits, t'as pas les mêmes c'est traits. C'est les cheveux, je pense que c'est... Ah, quoique, ouais. les yeux. Les yeux. Les yeux de... Vous me donnez votre avis. Vous imaginez les yeux du père Fouras et la bouche de... D'Antonin, du coup. D'Antonin. Mais n'imaginez pas ça. Et parce le que corps vous de Scarlett Johansson. Voilà, chacun sa plastique, hein, j'ai envie de dire. Oui, exact. Voilà. Et sens tout drôle tout d'un coup. Et Antonin est en train de faire du rodéo sur sa chaise qui grince, donc s'il te plaît. Pardon. Non, mais je sais pas pourquoi elle grince autant. C'est... Mais du coup, tu bouges beaucoup pour bien la faire grincer. C'est vrai. Bah écoute, il faut bien. Donc aujourd'hui, un podcast sur les chaises qui grincent, c'est ça. Bah, j'espère est-ce qu'on va commencer un jour ? Oui. Aujourd'hui, le sujet, comme vous avez pu ne pas le lire dans le titre, car ce n'est pas le titre de l'émission, c'est les westerns. Bah, oui, tu oui, me oui, regardes avec des airs effarouchés. C'était la formation, la formulation. La était... formation. Oui, la formation. J'ai un BTP intro déjà, donc à se calmer. Allez. Et donc aujourd'hui, on va parler et écrire un western. C'est bon les westerns. T'as vraiment fait. J'adore. C'est bon. Exact. Non, c'est mon Kinder Bueno. T'as vraiment dit ça. Vous reprendrez bien un peu de western. Non, je vais prendre ce Kinder Bueno. Yes. Voilà, c'est très. Ah, c'est la pub Kinder oui, Bueno avec Tsonga. Tsonga. Et Didier Drogba avant lui. Sérieux? Ah oui. J'ai une super. Oh, putain, mais tu as quel âge? Je vous explique un running gag que j'ai. C'est explique. Vraiment quand il y a une pub où c'était Didier Drogba qui demandait. Qui avait un Kinder Bueno dans la main et une fan qui le connaissait lui demandait si elle pouvait le prendre et lui il disait bah, toujours non, vous voulez pas, je prenne autre chose dans le distributeur qui est à côté dans une gare. Et pour l'aborder en fait, elle lui demande vous êtes Didier Drogba? Oui. Le footballeur? Oui. Et en gros, la punchline le footballeur? Oui. C'est gravé dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, tu l'as dit avec exactement la même tonalité. Exactement. C'était leur voix d'ailleurs, bah, hein, oui, que vous avez entendu. Oui, c'est vrai, c'était un montage habile, je trouve. Et, alors, et voilà, donc tout ça pour expliquer technique. Ça. L'émission maintenant. Après une heure et demie d'intro. Et deux de retard, hein, et pour deux certains. Et ils se reconnaîtront. Et ben, je pense qu'on va pouvoir. Est-ce qu'on fait le jeu avant ou après avoir parlé des westerns? Non, on parle d'abord des westerns. Ouais. C'est toi qui gères maintenant. Après, c'est moi, vrai. Je. Bah, ok. Bon, je prends la décision que ce sera après. Voilà. Donc, on va commencer par Théophile, puisque tu es l'ancienne hôte de cette. Exact. C'est exact. De cette émission. On dirait vraiment une référence à Alien. C'est. Oui. Je suis l'ancienne hôte de ton corps. Oui. Bah, je suis sorti de ton cul, donc il y a pas de. Ah, donc c'est l'autre coup, version d'Alien. C'est toi qui est mon hôte. Non. Un alien. Attends, c'est qui l'hôte? Alors l'hôte, c'est celui qui accueille. D'accord, donc c'était moi ton hôte, oui. Voilà. Oui, c'est. Exact. Je pensais que c'était l'inverse, mais c'est pas grave. Allez. Alien, est-ce que c'est un western? Non. Non. Hop. Déjà. Mais qu'est-ce qu'un western? Ça réduit les possibilités. Un film où il y a des chapeaux. Et des pistolets. Des pistolets. Mais à l'ancienne. Pas n'importe lequel. Pas une AK-47, attention, une AK-47, ça c'est pas un western. Ça c'est plus de la guerre. C'est un film de guerre. Par exemple. Il faut sauver le soldat Ryan, par exemple. Il faut sauver. Donc ça c'était la définition Wikipédia. Maintenant, notre définition à nous. Alors, la définition à vous. Tiens, bah. Tanguy, toi qui aficionados des caméras. Donc on est passé à Tanguy. Ouais. Donc on utilise. Non, mais t'as fait une vanne et ça suffit, non? Là, je reviendrai vers toi quand j'en aurai merci, besoin. Merci, ça fait plaisir. Et donc Tanguy, qu'est-ce que tu. Comment tu définirais, pardon, les westerns? Un western, c'est lent. Mais pas forcément. Alors. Un western, c'est chiant, mais pas forcément. Un western, c'est là où il y a des pistolets, effectivement. Mais pas forcément. Alors, est-ce que j'ai l'impression qu'on est un peu dans une autre rubrique qui n'est pas encore été lancée. C'est la chronique de Tanguy, mon gars. Le billet d'humeur de Tanguy sur France Inter. Bah oui, je connais. Ah, mais allez. Allez, qu'est-ce qu'on se fout la poire ici? Hey, allez, Louis, bon. Tu as gagné le droit de. Du coup, un western, ça parle généralement de l'Ouest américain. Voilà. C'est assez rarement, on parle assez peu de western dans d'autres pays. Ou dans l'Est des États-Unis. Par exemple, un film qui se passe en Bretagne n'est pas Cancun, un western. Un Braise. Et pourtant, c'est un bon film. Mais il est breton. Ça dépend. Ça est un bon film. Il est breton et nationaliste. Breton, hein, pas. C'est synonyme, c'est synonyme, vraiment. C'est vrai. Mais donc, du coup, ça se passe dans l'Ouest des États-Unis, souvent sur la. Ça parle de la conquête de l'Ouest, de ce moment où t'as plein ça de se passe, territoires. Ça se passe pendant la conquête. Ça ne parle de pas forcément de la conquête. Pas forcément, mais c'est pendant cette période au 19e siècle où il y avait plein de territoires inoccupés par des blancs américains qui étaient occupés par des Américains. Donc des territoires, si je peux me dire, peuvent permettre sauvages. Hein, c'est comme clairement. Ça qu'il était qualifié. Et du coup, cette période, ces indigènes là, où beaucoup de gens migraient et se trouvaient dans des endroits un peu libres de droit. Copyright, c'est exactement. Ça. Exactement. D'ailleurs, la chaîne nous est-ce que je peux utiliser cette chaîne de montagne pour ma vidéo YouTube? Mais bien sûr, j'ai déposé le brevet. Donc tu me mentionnes, donc tu rediriges vers mon Twitter, c'est bon. Et donc, c'est donc plutôt propice à beaucoup de. Voilà, de... j'ajouterais qu'il y a beaucoup de. C'est propice à l'humour, à, surtout de l'action, la tension, etc. C'est un genre de film très. Et très varié et à mon humble avis un des films un des genres de films qui a bien fait de s'arrêter je pense mais il s'est pas arrêté bon il y a de moins en moins de western bah ouais, fais chier moi la gueule. Tu veux du PQ ben non il y a ma gueule tu me chies à la gueule non j'ai pas dit ça. Pardon, excuse-moi pour l'image que je viens de te donner. Ouais. Et donc, merci pour cette description, Tanguy. On va donc commencer pour les films western qu'on a vus et en discuter. Je vais bien passer à Louis, du coup. Alors, à Louis. Mon expérience en western, elle est plutôt limitée, je dirais. J'ai vu on va les... passer à... yes. On va passer à Tanguy, de nouveau. Non, du coup, j'ai vu deux classiques qui sont Le Bon, la Volte et le Truand et ouais. Il était une fois dans l'Ouest. Ouais. Et non. J'arrive pas à me décider si je le considère comme un western parce que ça rentre pas dans les clichés vraiment du western, mais il est référencé comme tel sur Netflix, donc Django Unchained. Ah bah oui. C'est un western. C'est un western. En fait, ça se passe dans le. Qui prouve ça... que le genre du western ne s'est pas arrêté. Comme le disaient certaines personnes plus tôt. Je me rappelle plus qui. Des médisants, à mon avis. Des médisants, je pense. Alors, c'était Dater. À mon humble avis, Dater. Voilà. Il n'y a pas de mots pour les dire. Voilà. Et une autre chose qui me relie au western, c'est la série, vieille série, ça s'appelait Les Mystères de l'Ouest. La Maison dans la Prairie. J'allais dire Buffy contre les vampires. Moi, j'allais dire Breaking Bad. on allait tous dire un truc différent. Breaking Bad qui, pour le coup, prend beaucoup au western, du coup. Ça se passe aux États-Unis notamment. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment une info. Oui, c'est vrai. Il y a des chapeaux. Factuel Magazine, dans tout. Factuel Magazine, oui. Breaking Bad n'est pas un western. Bam, bam. Alors maintenant, on va citer tous les films qui ne sont pas des westerns. Tanguy commence. On a Forrest Gump. Je déconne. American Pie. Il l'a dit. Il l'a dit. Il est placé. Ça y est. Putain, je lui ai tendu la perche. Il l'a prise. Et pourtant, je suis caméraman, donc la perche, non, ça ne me concerne pas. Et la perche, il y en a pas deux. Je n'ai pas ri. Et Théophile, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience western, vite? Alors, parce que le western... C'était très rapide, merci, pour ce billet d'humeur. Non. Je suis animateur, désormais. Je donne non, mais humeur. Exactement. Moi, je suis pas d'accord sur le deuxième point que tu as abordé. Bah écoute, on peut en discuter. On va revenir très vite. Bah, du coup, je suis d'accord. Ah ouais, c'est plus clair maintenant. La correction que tu as apportée est plutôt... Bref, ça part en couille déjà. Oui. Non, moi, les westerns, j'ai regardé un peu des Sergio Leone, hein, comme tout le monde, Le Bon, la Brute et le Truand, et pour quelques dollars de plus, etc. La trilogie des dollars. La trilogie du dollar, comme on dit. Le dollar. L'argent, le pesos. Yes. C'est marrant, il a fait une tête consternée à l'oral. Il est très très fort. On m'appelle... L'OVNI. L'OVNI, exactement. En fait, j'ai pas vraiment une expérience... Par exemple, plus western spaghetti, du coup, mais pas du tout western, quoi. Genre, tout ce qui est... L'américain... Comment il s'appelle? Déjà, il y a vraiment... Définissez spaghetti pour moi, parce que là, ça va... C'est une pâte. Ah, yes. Qui est longue. Non, western spaghetti, c'est du western italien. Donc tout ce qui est dans la veine de ce que faisait Sergio Leone avec Clint Eastwood et d'accord. Tout. Donc pas du tout. En fait, c'est les plus connus. En soi, c'est ça les plus au spaghetti, c'est quand même un gros bon gros cliché. Alors c'est pas de nous, hein, c'est vraiment le quoi titre. C'est autoproclamé. Western spaghetti. C'est un terme. Oh ouais, non mais sûrement. Oui, alors c'est un terme que je moi sais pas je qualifie si Sergio Leone qui l'a moyennement respectueux. C'est un peu raciste. Un peu tendancieux. C'est comme si on faisait les westerns chicanos. Non mais alors attention, c'est une blague. Hey, John Woo, il fait des fines baguettes ou quoi? Allez, est-ce que vous avez une idée de pourquoi on appelle ça spaghetti en réalité ou pas? Parce que c'était tourné en Espagne et c'était réalisé par des Italiens. Oui. Et du coup, et c'est uniquement parce que c'est italien. C'est vraiment juste. Il n'y avait pas d'anecdote genre ils mangeaient tout le temps des spaghettis parce que c'était pas cher, du coup on appelait ça comme ça. Non, c'est vraiment raciste. Hein. C'est la régie vraiment, il y avait tout le temps des spaghettis. À la base, le racisme était beaucoup moins. Était beaucoup plus toléré. J'ai envie de dire qu'à l'époque, le racisme, il avait bon voilà, ouais, c'était un bon vivant quoi. Voilà, c'était c'était pas raciste, on rappelle pas bien que la ségrégation aux États-Unis a terminé en 67 hein. Mmh. Voilà, je ouais. ressors mes cours d'histoire mais... Vous voulez une petite anecdote ou pas, parce qu'il y a eu le film Lincoln qui est sorti il y a quelques années. Ah non, parle pas. Et en fait, ils ont découvert que l'abolition de l'esclavage n'était pas officielle. Je crois que c'était c'était sous-jacent. Genre en fait, le principe, c'est que avec Lincoln, ils avaient fait signer la déclaration de fin d'esclavage. Ouais. Voilà, et t'as pas mal d'États qui avaient signé en mode bah oui, nous on est d'accord, il y a pas de souci machin. Et le Mississippi, il me semble, enfin un État dans ce coin-là, avait fait oui, nous on est d'accord, on est d'accord. Bon, par contre là, le papier, on le signe demain parce qu'on n'a pas le temps. Machin. Les mecs, ça fait 150 ans, ils disent oh c'est bon, j'ai le temps. On est un peu busy. Le papier s'est perdu complètement. Et en fait, avec la sortie du film Lincoln de Spielberg. T'as des chercheurs qui ont cherché puisque c'est leur métier. Des trucs. D'où leur nom. Voilà, moi aussi, des fois je cherche, je suis pas chercheur, je vois pas le rapport. Mais du coup, non, mais là, c'est leur métier, eux. Ils sont payés pour. Ces gars, c'est des malades. Jean-Michel Mauvais. Ils sont payés pour aller sur Google ou quoi? Eh oh. Le problème, c'est que dès qu'ils trouvent, ils ont plus d'emploi. Ça n'a aucun sens. Mais donc, du coup, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Allez. Trop bien. C'est du Jean-Mi. Le billet d'humeur, une nouvelle fois. Palame. Tellement de billets et tellement d'humeur, c'est fou. Mais du coup, on fait la trilogie du dollar avec tous ces billets. La dernière anecdote que je voulais dire, l'esclavage en Mauritanie s'est aboli en 1991. Voilà, et ça, j'en parle dans un projet dont je parlerai à la fin. Bref, très bien. Tout ça. Stylé non. Wow. Que ce non. Stylé comme anecdote. Ils ont pas perdu le sens des priorités, ces Mauritaniens quand même. C'est pas stylé. Ouais, l'esclavage c'est moyen. Alors, sur une échelle de 1 à 5, moi, je mettrais 3 étoiles. Comme le mec du début. Yes. Et en plus, 3 étoiles. 3 étoiles, ça oui, va. Oui, parce que c'est oui. pas mal. Bah oui, c'est pour plus ça. La moyenne quand même. C'est atroce pour l'esclavage. Explique la vanne parce que quand même, sinon. Ça... Attends, c'était dans cet enregistrement. Ah maintenant, oui. T'en as pas parlé. Si. C'est au début de cet épisode. Oui, parce qu'on a enregistré plusieurs fois l'intro parce qu'Antonin galère. Ouais, j'ai galéré au début. Mais ouais, du coup, je sais pas si c'était dans celui-là, mais voilà. Peu importe. Non, mais c'était une vanne par rapport à quelqu'un qui nous a noté sur iTunes. Voilà, c'est tout. Oui, mais on l'a dit dans cet épisode. On l'a dit, oui. Non, alors, et Tanguy est caméraman. Louis. Attends, est-ce que tu lances les objectifs quand tu fais ce geste? Alors, j'ai une chaîne Le Bon Coin, je sais pas si je vous en ai parlé. Zoom, ainsi que des zooms. Alors, donc la suite. Ah, avançons, merde. Non, je disais ensuite, oui, les westerns. Mais les westerns, en fait, pour moi, c'est tellement large. Parce que t'as de tout, mais. J'en étais où dans ce que je disais? Oui, plutôt western spaghetti, pas trop les westerns genre Rio Bravo, les conneries comme ça. Mm. J'ai jamais vu, à vrai dire, de western dans ce genre-là. Les vrais westerns américains, quoi. Mm. Moi, c'est plus, Ennio Morricone. Allez, je le fais bien. Est-ce qu'on est d'accord pour définir Lucky Luke comme un western ou pas? Oui. Lucky Luke, c'est un western. Lucky Luke et le BD, film. Donc on en ajoute un. Est-ce que c'est pas un western courte. Camembert? Eh, un western cacos. Quoi? Ah oui, très bon. Il y en a deux, du coup, parce qu'il y a les Dalton et... Et aussi le dernier film de. J'ai pas compris. Oui. Mais oula, qui donne des coups? Pardon, ça doit être moi, je crois. Il y a les Dalton et Lucky Luke, les deux films. C'est vrai. Exactement. Brice Denis, est-ce que c'est un. C'est un western ou pas? Bah, je pense. Hein. Est-ce que ça se passe dans l'ouest américain? C'est ça qu'il faut se poser. Non, mais parce qu'en fait, c'est ça le truc qui est compliqué avec les westerns. C'est que par exemple, t'as des films qui se passent pas du tout au moment de la conquête de l'ouest, mais qui ont tout du western. Bah, comme Django Unchained. Ça se passe. Non, mais ça se passe. Le contexte de la conquête. C'est pas dans la conquête, vraiment. Mais c'est pas dans l'Ouest. En fait, c'est pendant que c'est en train de se civiliser. Non, c'est dans le Deep South. C'est genre tout ce qui est. Alors, par rapport à. Bah, à il part du Texas quand même. Je crois qu'il se balade dans le Texas quand même. Ils parlent du Texas. Ils vont au Texas à un moment. Il y a des cowboys. Mais vraiment, à cette époque-là, je crois, l'esclavage c'était plus dans le Deep South, genre Caroline du Sud jusqu'à la Floride. Les trucs comme ça, quoi. Donc c'est vraiment l'Est. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, oui. Mais je sais pas en fait, je me rappelle plus si mais vraiment c'est un peu les contrées isolées, les contrées qui sont pas habitées encore, tout ce côté-là des États-Unis. Ouais, qui mais en fait, western, englobe, ouest. Vraiment presque d'accord. Les derniers. Erne. Pour. Erne fiscale. On a pour ça la même chose. Donc, on est malade. À un moment, Django, il a un lumbago. Donc du coup, c'est un western ou pas? Bah oui. Ouais. Nickel. Bah voilà. À un moment, il se fait un peu mal. Il faut une des deux catégories. Voilà, au moins, c'est... voilà, le mal de dos. Super chondriaque, donc. C'est un western. Il a un petit peu mal à bout d'un moment. C'est vrai, c'est vrai. Super chondriaque, ah, le film avec Danny Boone. Alors, qui non, mais il y a des westerns très, très modernes aussi. Bah, le dernier film de Jacques Audiard. Yes, les Frères Sisters, que je n'ai pas vu. Qui est... Moi, j'ai vu, j'étais très... un peu déçu, mais il est bien. Bah, moi, je ne sais pas pourquoi, tu vois, en ce moment, alors, j'aime beaucoup les westerns dans l'atmosphère que ça dégage. Mm-hmm. J'en ai pas vu énormément, mm-hmm. paradoxalement, mais je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. C'était la recette de la tarte aux pommes que tu as fait. Nous ne pouvons pas t'aider là-dessus. Je me suis perdu. Donc quelqu'un enchaîne, s'il vous plaît. Oui, non, mais ouais, donc j'ai vu. Je vais laisser parler à la. Louis. Non, Tanguy, pardon, qui n'a pas parlé de ses expériences de western. Oui, bah justement, je me suis perdu dans ce. Ah, bon, bah, je vais rebondir sur moi-même. Boing. yes. Je suis très souple. Et du coup, moi, alors, j'adore les westerns. C'est pas mon genre de film préféré parce que j'en ai pas. Mais vraiment, j'en ai vu beaucoup. Enfin, beaucoup. J'en ai vu pas mal. Parce que mon père est un grand aficionado des westerns. Et donc, je les regarde avec lui. Et donc, les Frères Sisters, par exemple, qui déconstruit un peu, qui est basé énormément sur le western. Et... T'as un chat dans la gorge. Miaou. Et t'es gros. Tu es magicien. Non. D'accord. Tu es peut-être sorcier, alors. Non, je suis hôte de podcast. Okay, je crois que allez. Tu te méprends. C'est oui, je personne. Me suis trompé, pardon. Et du coup, ouais, donc Les Frères Sisters, que je vous recommande de voir, qui est un film français de Jacques Audiard, qui a d'ailleurs gagné la meilleure photographie, le César de la meilleure photo. C'est normal, car c'est très très très joli, c'est avec Jake Gyllenhaal. Moi je l'ai vu à un moment, il y a une photo, elle est vraiment bien. Bah en fait, ouais, moi la photo pour moi, c'était la meilleure. Donc ouais. À mon avis... Les Césars, ils ont à mon dit... avis, ouais, les Césars, ils se sont pas trompés sur le coup. Non, mais je suis au même niveau que les Césars, à mon avis. Donc, ouais. C'est toi qui décernes les prix, d'ailleurs. Je suis César. Tu es César. AV. Bah, du coup, j'ai plein de choses à te rendre. C'est incroyable. Bah, notamment mes larmes que tu m'as volées dans chaque épisode. T'habites où ? À Rome. Yes. Il a hésité. Non, juste pour vérifier. Non, c'était juste, ouais, voilà. Bah, cette rue. Bon, bah, c'est vraiment toi, du coup. Ça se sent que c'est moi. Oui. Et, ouais, ah, non. Yes. Là. Et du coup, tout ça pour dire que ce dernier film de Jacques Audiard est très, très bien. Et, la fin est très, très surprenante. Attention, vous allez être surpris. C'est la 42e minute. C'est une fin à twist, un petit peu. Mais, bah, super, mais ça pas, pense, c'est mais... nul de dire ça. Hein. Je te déteste, là. Ah ouais? Ah ouais? Il a vraiment fait un merde. Ah pardon. Non mais enfin, ça gâche un peu la fin, tu vois. Si tu non, sais non, qu'il y a mais un twist. En gros, tout le monde le dit. Genre, c'est la fin, moi, je tu le sais attends pas. Et même la fin de plein de films. La fin de ouais, mais moi, tu vois, genre, ça m'a gâché la fin de Shutter Island, de Fight Club. Oui, mais la fin, tu t'y attends pas. Non, mais tu t'attends voilà. à ce qu'il y ait un twist. Tu sais que tu vas pas t'y attendre. Voilà, et du coup, bah, du coup, tu t'y attends. Exactement. Mais justement, c'était encore ça, plus surpris. En fait, ça biaise un petit peu la vie. Voilà, je suis assez d'accord avec Théophile. Bah, niquez-vous, de toute façon, c'est mon émission maintenant. Ok, bah, on va te laisser 20 minutes. Donc voilà, maintenant vous savez que à la fin de Frères Sisters, il y a. Mufasa meurt au début. Oula. Pardon, le Roi Lion, excusez-moi. Tu t'es trompé. Le Roi Lion qui est un western d'ailleurs. Qui est un western, il se passe dans l'ouest des. À un moment, il a mal au dos quand il tombe. Ah oui, putain. Bah, avant de mourir, le père, il a une belle hernie. Hein. C'est sûr que c'est. Quelle horreur! On est passé très vite d'une hernie à la mort, mais il y a eu un petit laps. Donc. Pendant une seconde, il a une hernie. Et tu sais, quand tu prends pas d'antibiotiques, hein, c'est pas automatique. C'est radical, hein, c'est radical. C'est pas automatique. Et ouais, ouais, comment dire. Qu'est-ce que j'ai. Oui, tu peux continuer. Pour parler d'autres films, j'ai vu un peu de. Le Bon, la Beauté, le Truand, tout ça. J'ai pas autant accroché que tout le monde dit. Ah, c'est des films cultes, tu vois. Moi, je dis, bah, c'est quand même. C'est objectivement un très bon film. Mais c'est pas non plus mes westerns préférés. J'ai vu Lucky Luke, je n'en parlerai pas ici. Oh non, mais si, parlons-en. C'est okay. Quand même très très marrant. Ah bon? Non, c'est marrant que ça existe quoi. Ah oui. Non, alors, moi je parle uniquement du film, la BD. Hein, parce que moi à la base je suis fan de James Hutt, donc qui a réalisé Lucky Luke, mais parce que j'adore Brice de Nice. Ouais. Et j'adore son humour. Mais en fait, là, c'est juste. J'étais un peu déçu quand même. Quoi ? J'étais un peu déçu quand même. Non, mais complètement. Mais moi, je comprends. En fait, c'est de la merde. C'est ouais, bah oui. De la grosse merde. Mais moi, c'est genre juste l'humour débile comme ça. il m'en faut pas, il m'en faut très peu hein, pour oui non mais tu sais c'est, ça c'est un truc c'est un truc ouais, c'est une vanne dans une scène qui, et ça revient de temps en temps. Après là, le Lucky Luke, je t'avoue je l'ai pas vu, je l'ai vu il y a longtemps et mais... les Dalton je l'ai pas vu par contre, je t'ai signalé ouais, c'est pas très grave, ça ça a l'air vraiment pourrave hein. Moi personnellement je t'en veux, je l'ai pas vu aussi et je t'en veux. Ah pardon, excuse-moi. Ah bah, j'espère que tu m'en veux. Moi je l'ai vu mais il m'a laissé aucun souvenir, donc vraiment je serais incapable de te raconter. Déjà c'est Jamel Debbouze qui joue Joe et alors que non comme ça. Et oui ouais. Et après, c'est pas si petit que ça, quoi. Moi, j'adore Eric Judor, je suis fan. Non, mais si, il est. Bah, Platane, il est petit. Mais par rapport à Ramsey, tu vois, qui joue Avril, oui. Ça le fait bien. Ouais. Enfin, quoique, je sais pas en fait. Je sais pas si ça le fait bien. Non, parce que vraiment, il fait 1m30 dans la BD, quoi. Il fait 1m10. Ouais, bon, il est vraiment très très petit. Bah, mais... c'est de la BD, donc on peut lui donner le physique qu'on veut. Dans la vraie vie, on n'a pas BD. Des. Après, ils font vraiment les Dalton, quoi. C'est vraiment. On parle des westerns, on parle des Dalton. Non, j'ai vu un autre film il y a pas longtemps qui s'appelle Cowboy et Envahisseur. Yes. Oh, avec Daniel Craig. Ah ouais. Non, je l'ai pas vu il y a longtemps en vrai, mais il m'a surpris. Ça a quand même un nom de vrai nanar. Bah Cowboy, c'est un petit peu un vrai nanar. Ouais, c'est un vraiment. En gros, c'est des aliens qui débarquent. Enfin, Daniel Craig, il se réveille. Daniel Craig, c'est celui qui jouait James Bond, le dernier James Bond. Et il se réveille avec un bracelet un peu futuriste avec du métal et tout. Il comprend pas trop. Alors qu'à la base, c'est un cow-boy, quoi. Ouais, non, le mec, bah. Mais enfin, je suis un cow-boy. Ouais. Mais qui suis-je? Suis-je un cow-boy? Oui. Voilà, c'est ce qu'il dit littéralement. Et du coup, il va dans la ville la plus proche et tout le monde le prend pour un fou. Parce qu'ils sont très très croyants à l'époque et toujours maintenant, mais encore plus à l'époque. Et il y a des aliens qui attaquent en vaisseau. Des cow-boys qui répliquent avec des pistolets. Je le rappelle qu'un pistolet contre un vaisseau extraterrestre, ça ne fait pas grand chose. Et voilà. Et donc il y a toute une aventure pour essayer de vaincre des aliens qui ont enlevé la moitié des gens du village. C'est un peu Thanos avant l'heure. C'est un speech incroyable. C'est un documentaire. Un film comme There Will Be Blood. Pas vu. Alors, je vois personne que tu cherches du soutien. Non, j'ai pas vu. Bon, ok, bon, on n'en parlera pas alors, du coup. Bah, tu peux quand même dire ce que t'as. Mais du coup, qu'est-ce que ça raconte? Alors, en gros, c'est l'histoire d'un oilman, je sais pas comment on dit en français. Un mec qui vend du pétrole. Ouais, bah, enfin voilà, un gars dans le business du pétrole qui se fait petit à petit sa fortune dans le pétrole, du coup, dans l'ouest américain, vraiment. Mm-hmm. Ça se passe genre, je sais pas, début 20e, je pense, un truc comme ça. Mais du coup, ça. Enfin, genre. C'est vraiment le décor du western, quoi. Mm. Mais t'as pas les histoires de duels et tout. Mais du coup, je me demande, est-ce que c'est un western? Parce que ça. Enfin, genre, est-ce qu'on peut dire que c'est est-ce un western? Est-ce qu'il se fait mal au dos au bout d'un moment? Oui. Bah, c'est bon. C'est bon. T'as ta réponse. L'ouest. Pourquoi tu cherches, mec? C'est vrai. Il est con, le mec. Enfin, on lui dit, on le répète. On a fait une définition. Je suis stupide. Tu connais ça? C'est un téléphone. T'as Wikipédia, hop. T'appelles 118-218, tu demandes, ils te disent. Allô, Wikipédia. C'est vrai qu'en vrai, le western, c'est assez difficile très, très vague à définir parce que ça englobe énormément de choses et en même temps, ça définit rien concrètement. T'as évoqué tout à l'heure les western spaghetti en opposition au western américain, et en fait c'est un peu les deux écoles. C'est-à-dire que t'as le cinéma un peu italien, mais en vrai c'est Sergio Leone en grosse majorité, où je saurais pas donner un autre réalisateur. Oui, mais c'est un compositeur. C'est un compositeur. Il a rien réalisé, donc il fait juste de la musique. Voilà. Quand même. Bah, il a fait la musique. Bah, il a participé grandement à l'ambiance du film. Enfin, le son et la musique. Quand je regarde. Bah, meilleure photo, c'est pas meilleure. Ennio Morricone, il a jamais eu l'Oscar de la meilleure photo. Bah, voilà. Une belle merde. Est-ce que déjà il a eu l'Oscar de la meilleure musique? Oui. Bah, je crois pas, non. Pour Django. Si. Pour Django, non, pour Django, mais attends, le film sur Django Reinhardt. Il a fait. Mais je crois qu'il a eu. Ah, ben non, les 8 salopards. Pour Rango, le film avec le lézard qui parle. Il a eu pour les 8 salopards. Pour les 8 salopards de Tarantino. Ah oui, les 8 salopards. Ah, bah oui, on peut en parler deux minutes. Par exemple. Est-ce que c'est un western? Est-ce que c'est un western? Alors, pour moi, oui, parce que ça implique des problématiques propres aux films de western. C'est-à-dire la traversée énorme. Le partage. Énorme. L'amour. Les valeurs communes. Mais c'est le voyage énorme, le temps de trajet énorme pour aller d'un bout à l'autre d'un même pays, les tempêtes glaciales, voilà. Alors après, comme c'est vraiment plutôt basé sur le huis clos, le côté traversée énorme, c'est pas ce qui prime dans les 8 salopards, oui, mais il y a quand même ce côté de nature nature, j'ai pas nature le mot, mais libre, nature morte, oui, tout est mort là-bas, genre, ils ont que des chiens, genre, morts par terre, voilà. Mais est-ce que les feuilles The Thing, c'est un western? The Thing? Oui. Non, The Thing, c'est un huis clos. C'est... Ah ouais, pardon. Du coup, c'est autre chose. Bah, attends, je vais répondre très simplement à ta question, est-ce qu'il se fait un peu mal au dos? Ce running gag est très bien parti. Allez. Parce que je l'oublie à chaque fois. Je suis stupide. C'est ça, man. Mais les running gags marchent très bien sur moi. Alors je te présente Tanguy, les caméramans. Allez. D'ailleurs, les westerns, ils ont changé quelque chose pour les caméras au niveau des objectifs, ah bon, vraiment. Ils avaient des ISO de ouf. On parle de cinémascope. Yes. Et qui oui, c'est vrai. Qui découle des westerns justement pour filmer tous c'est ces paysages énormes. C'est le point technique. Attends, attends. Je fais un jingle. Okay. Le point technique. Le point technique. Est-ce que j'ai dit attends, Antonin fait un jingle? Oui, mais c'est quand même moi qui décide. Attends, Théophile fait un jingle. C'est le point technique. Le point technique. Sponsorisé par Naruto. Donc, alors le joint de culasse. Ça date les westerns. Pour bien vidanger le moteur. Mais c'est pas du tout de quoi il parle. Oh, le cheval, faut changer le joint de culasse là. Ouais, le volant il tourne bien sur cette voiture. Hein. Tu vas à droite, ça va à droite. Ah, ça file droit. C'est une bonne droite. Voiture. Bah, les roues tournent bien. Hein. Allez. T'appuies sur l'accélérateur, ça accélère, hein, y a pas à dire. À toi, Tanguy. Bon, y a juste la porte qui ferme mal. Mais bon. C'est la meilleure intro. Comment enchaîner après ce jingle est incroyable. Il est très long. Donc du coup, oui, en fait, dans les objectifs, on a des formats d'images que vous voyez, genre par exemple la télé, actuellement, c'est du 16/9. Comme sur vos téléphones. Et voilà, et sur vos téléphones, c'est du 9/16 quand vous le tenez à la verticale. Enfin, ouais. Vos anciennes télés, c'était du 4/3. Voilà, c'est des formats d'images qui sont utilisés. Ratio. Et, dire des ratios, parce que sinon notre prof va nous... Exact. Des ratios. Il va écouter d'images. L'épisode et il va faire... Voilà, c'est un ratio, ça. Non, parce qu'une fois, il m'a jeté de la merde, donc il risque pas de... C'est ah, faux, et évidemment. Et ah, okay. j'ai, parce que tu l'as pas dit du tout en rigolant, du coup, j'ai pas. On a un prof très, très vieux. Et du coup, donc, c'est des ratios qui sont pris en compte au moment où on va tourner le film, parce qu'on va pas, voir la même chose sur une télé qui montre en 4/3 et une télé qui montre en 16/9. Donc, c'est du vrai. Coup, c'est ça. Et en fait, dans les années 50, quand vraiment l'âge d'or un petit peu du western américain, et un petit peu spaghetti aussi, puisque oui. C'est aussi cette veine-là, mais ça découle de ça. Il y a eu cette question de montrer comment on montre les grands paysages des plaines américaines, de tout ça, et ils se sont dit, on va prendre des objectifs qui vont déformer un petit peu la réalité et avoir un angle de vision qui soit beaucoup plus grand que ce qu'on avait avant. Et on a donc des images qui sont très... un peu comme quand vous faites des panoramiques. On fait ça, tu parles des lentilles anamorphiques, c'est ça? Exactement. Mmh. Et ça a donné le cinémascope, qui est un ratio d'image, alors j'ai plus la valeur 2,35. Exacte, c'est 2,35. 2,35, c'est 2,35. tu dédoubles, parce que c'est ce qu'on dit. Parce qu'en fait, c'est du 4,70, c'est pour ça. Non. Que je dédouble. Ah oui. Ah, il est con. Et donc, ah, voilà. Il est con, le mec. Complètement. Donc c'est... teubé, ce mec. C'est le western a changé quelque chose dans les objectifs, puisque du coup, on change les objectifs en fonction de la caméra aussi, en fonction de ce qu'on veut faire. Ouais. Et voilà. Ça et le péplum. Et tout ça pour filmer des paysages. Moche en plus. Et, c'est désolé, et le slow motion aussi a été vachement développé par le western, notamment les plans de tir de pistolet. Oui, donc Matrix, voilà. Est-ce que c'est un western? C'est un héritage. Non, c'est un. Ouais, voilà. C'est... Bah, si, en fait, vu à quel point il se penche pour éviter la balle, il a forcément mal au dos au bout d'un moment. Bah, c'est donc c'est un western. Ouais, mais dans Matrix, tout est dans la tête. Et, du coup. C'est un... Non, c'est pas un western. C'est un western dans la tête. C'est un western dans la tête. C'est un western cérébral. Non, par contre, c'est pas dans la tête, c'est dans un... Ouais, non, mais si, mais après... C'est un rêve. Il voyage dans les rêves dans Matrix. Ouais. Vous l'avez pas à l'image, du coup. Je me suis fait agresser. Il y a vraiment ce que je voulais dire. Tout penaud. Le mec, il n'en a rien à foutre. Des penauds qu'on peut retrouver à Naruto. Penaud, c'est au foot, non? C'est quand venez, on n'écrit pas de western, on fait juste, on parle de western. Ouais. Allez, non, je pense qu'on a bien résumé. Enfin, voilà. Bah, les codes, je pense, vont peut-être venir en écrivant ou voilà. C'est... Oui. Et je propose de passer au. On a assez parlé de western. Petit jeu. Au petit jeu. Attends, je te fais un jingle. Fais-moi un. Mais donnez-nous. Jingle. Pardon. C'est le jeu. Oula, il y a. On a, voilà, c'était l'instru de mon jingle. Il y a une embrouille dehors. Une grosse embrouille. Wow. C'est bon. Grâce à mon charisme. Et donc, je vais vous expliquer. Alors, on peut faire un vrai jingle. Ah, un vrai, mais c'était un vrai jingle. Ok, attends, je vais faire un peu de. Bah, il y a plus de son. Le jeu. Ouais, merci à Théophile pour sa participation. Si vous voulez envoyer votre jingle, n'hésitez pas à aller vous faire foutre. Le but du jeu, donc je vais t'expliquer à deux des participants ici et pas le troisième. Pourquoi qui, gros, et le troisième soit te qui, tout le monde veut prendre sa place. Nagui, allez. Et va crever. Le. Waouh. Donc le principe du jeu, je vais lire des commentaires avec des voix spécifiques, uniquement pour le. Pour ah bon, le, ça, j'étais pas au courant de ça. Des voix, de la partie voix. Non, mais uniquement pour le. Bah oui, parce que c'est plus facile de lire avec une voix que lire sans voix. Ça s'appelle lire tout court. Avec les yeux. Ça, c'est. Enfin, mm-hmm. Après, ça se tient. Ça jeu, se tient. Pour après, la participation, c'est un peu plus compliqué, mais. Ouais. Ça se tient dans le. Ouais, dans ce que tu dis, ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, je vais lire des commentaires et il va falloir deviner le western de. Desquels les commentaires parlent. Alors évidemment, est-ce qu'il y a différents choix. Est-ce qu'on peut dire. Quand c'est des très bons films. Non, est-ce que c'est un commentaire 3 étoiles. Duo, carré ou cash. C'est que des commentaires 3 étoiles. Mais tu veux vraiment prendre ma place. C'est fou. Je suis Nagui. J'adore Nagui. J'ai fait le geste des. N'oubliez pas les paroles. Vous bloquez ces paroles, monsieur. Allez. Et du coup, voilà, il va falloir deviner le film duquel je parle. À travers les commentaires. Évidemment, quand c'est des très bons films, j'ai pris des commentaires 0,5 étoiles sur Allociné. Ah. Quand c'est des très mauvais films, j'ai pris des commentaires 5 étoiles sur Allociné. Yes. Car Allociné. Pour se moquer de la vie des gens. Parce que. Alors, voilà. Attention, je donnerai pas forcément. Est-ce qu'on donne les pseudos? Non. Non, non, non, non, ça sert à rien. On va pas partir sur. Donc je peux me moquer parce que personne ne saura qui c'est. Exactement. Non, mais on évite quand même. Non, mais je vais pas dire que c'est un enculé, mais. On dit. Ah là là, là t'as pas géré, mec. Comme ça, tu te rattrapes pas la prochaine fois. J'espère que le prochain commentaire sera plus constructif. Mais enfin, c'est mon avis. Et donc, on va commencer avec. Et du coup, c'est quoi? Faut qu'on trouve le titre du film, c'est ça? Le titre du film. D'accord. Faut qu'on trouve le film. Okay. Suis un peu. Ouais. Ok. Ah, pardon, non, mais je n'ai pas un podcast nourriture. Okay. On va pas te demander le nom du plat. Ok, d'accord. Non, c'est moi. Spaghetti. Parce qu'on est les western spaghetti. Je t'ai envoyé la perche. Tu as dit oui. Je prends la perche. Oui. Voilà. J'ai exactement dit ça, mais dans ma tête, du coup. Et donc je vais vous lire le premier commentaire, un premier commentaire. C'est parti. Premier film. Alors si vous le trouvez du premier coup, vous êtes très fort. J'ai plusieurs commentaires par film. Ok. Évidemment, j'ai prévu le coup. Jingle. Le premier commentaire. Yes. Énorme. Pour moi, le meilleur western de la planète et de loin. 0,5 étoiles. C'est génial. Le bon, la motel train. Oui, c'est vrai. C'est le meilleur. Hein, c'est bah, le meilleur, c'est clair. Bah, 0,5 étoiles, à mon humble avis. Mais enfin. Alors. C'est vrai que c'est étrange. C'était vraiment ça ou pas? Le mec c'est a mis okay. Est-ce que c'est pas le gars qui nous a mis 3 étoiles? Alors, je dirais pas son nom, mais ça commence par C. Donc voilà, okay. Si tu te reconnais. Très bien, très bien. alors, il y aura des trucs que je vais essayer de zapper dans ce message. C'est un très très très long message. S'il y a des gens qui écoutent 2 heures de perdu, vous connaissez la personne qui a écrit ce message. Ils disent les pseudos dans 2 heures de perdu oui, ils disent les pseudos. Ça, je savais pas. C'est et du coup, j'ai fait exprès d'essayer de trouver ce mec. Est-ce qu'il avait fait une critique de ce film-là? Et il l'a trouvé. Et c'est trop bien. Je n'imiterai pas pareil que Michael dans 2 heures de perdu, mais en tout cas, c'est très drôle. Est-ce bon, là, ça se voit qu'on est des fanboys. Ouais. 2 heures de perdu, je vais répéter encore. Pas moi, mais lui, il est un fanboy. C'est ouais. Un gros fanboy. Hein. Invitez-nous, s'il vous plaît. Fais le jingle. Deuxième commentaire. Merci. Donc, il dit le nom de film, donc je vais pas le dire. Ah ouais, franchement, ce film est une pure merveille. Ça fait c'est longtemps que je n'avais pas vu un film aussi excellent. Il y a beaucoup de photos, je tiens à le dire. Vas-y. Pour moi, ce film va directement dans le panthéon de mes films préférés, car j'adore les westerns, j'adore la science-fiction, et donc je ne peux qu'adorer ce film. Bah, Cowboy et Envahisseur. Oui. Est-ce que je peux le finir le commentaire? Vas-y. C'est un commentaire 5 étoiles. Car ce film mélange à merveille et avec habileté le western et la SF. Vraiment, c'est une super idée de mélanger les deux genres et c'est une véritable réussite. Déjà, grâce à une réalisation époustouflante. Vraiment, visuellement, c'est magnifique. On a le droit à une mise en scène très soignée et très travaillée avec de très beaux effets très stylés. Quand il se souvient avec cette nuance de vert, 3 petits points. Vraiment, Jon Favreau, réalisateur Iron Man, quand même, c'est John Favreau, j'avais oublié que c'était lui. Hein. Réalisation avec maestria, ce film, car c'est vraiment bien filmé. C'est également Jean-Michel Répète. Hein, parce que mais du coup, ce commentaire me donne vraiment envie de le voir. Non, mais il est très très fort. Et, il l'a mieux vendu qu'Antonin tout à l'heure. Ouais, ouais, clairement. Les effets spéciaux sont d'excellente qualité, ce qui nous donne de sublimes scènes d'action vraiment énormes. Vraiment, on s'en prend plein les yeux. C'est faux. Plein les mirettes. Les mirettes sont prises, vraiment. Alors par contre tout ce qu'il dit, moi je suis pas d'accord. Et on a le droit à de sublimes décors et de paysages de western. C'est faux, c'est en studio. C'est que du bonheur. Vraiment réalisation sublime qui fait dans le redoutablement efficace. Bon après il répète tout le temps la même chose donc je vais arrêter. S'il te plaît. Très bien. Mais donc c'était fan de coach. Cowboy envahisseur. Fan de coach. De coach donc du coup t'as dit le. Bah le non mais lui il est connu. Il est. Enfin okay. Tu vois je me moque pas de lui vraiment. S'il est connu. Fan de coach on t'aime. moi j'adore ces commentaires. Si tu veux nous mettre des commentaires 3 étoiles. Allez vous abonner à fan de coach sur Allociné. On peut s'abonner sur Allociné. Oui on peut. Il y a des gens qui suivent son activité même. Allez vous abonner. Il y en a. Je crois qu'il y en a même. 300 ou... Comme le film, 300. C'est un western ou pas? Je crois que quand il donne le coup de pied, il a mal au dos. Bah, moi, je pense qu'au bout d'un moment, quand tu t'es pris autant de flèches dans le dos, une petite hernie, quoi. Enfin, c'est mon avis. C'est de la conjoncture. Voilà, donc après, le commentaire continue, donc je vais arrêter. Allez. On passe au troisième commentaire. Troisième commentaire. En fait, le problème, c'est que vous êtes très très fort pour trouver les trucs, donc pour l'instant... Okay. Je crois qu'il y en a 5 des films pour l'instant. D'accord. Donc un commentaire assez acerbe. J'ai perdu 3 heures à regarder cette chose. Franchement, à part les acteurs qui sont phénoménaux, le reste c'est nul. Passe votre chemin. Vous regretterez de ne pas m'avoir écouté. À bon entendeur. 0,5 étoiles. Je pense que c'est Django. Ouais. Non, c'est pas Django. Non, je vais lire un deuxième commentaire. Heures, il était une fois dans l'Ouest. Non. Dommage. Non, c'est... Bah, ne dis pas la réponse. Non. Okay. Non. Deuxième commentaire okay. Pour ce film. Que ça cause, mon Dieu que ça cause, et que c'est lent, mon Dieu que c'est lent, et que c'est mal écrit, mon Dieu que c'est mal écrit, et que c'est le réalisateur, mon Dieu, non, c'est le réalisateur. Alors il dit le nom du réalisateur. Qui est Tarantino. Oui. Bah oui, Lévi Salopard. Tarantino, oui, Lévi Salopard. Bah que ça cause, que ça que cause. Que ça cause, bah oui. Mon Dieu que ça cause. Vraiment, c'est vraiment formulé de manière... Il a tendance à répéter. Ce film, à part les acteurs... Qui sont phénoménaux. Qui sont phénoménaux. C'est nul. Lui qui l'a enchaîné, non, c'est nul. Non, en fait c'était nul. Ah nul. Plein de L. Donc on passe au film d'après. Hein. C'est le jour d'après. Cinquième commentaire du coup, mais quatrième film. Quatrième film. On commence par un commentaire Amazon. Non, c'est Amazon. Non, parce que des fois tu peux aller sur Amazon et ils critiquent les films. Parce que et j'y vends des objectifs aussi si vous voulez. Plus sur les bons coins. Un concurrent de ton URL d'ailleurs. Quoi? Parce qu'il possède le bon coin, du coup je dis que c'est un concurrent Amazon. C'est vrai. C'est vrai, mais il vend du coup. Bah ouais, parce que tant qu'à faire. Hein. C'est... Tant qu'à faire. Tant qu'il y a de l'argent. Autant profiter de la concurrence. Et moi je suis là. On est là. Ok, donc. Juste nul à souhait. On s'ennuie, c'est long, ça n'a rien d'intéressant. Aucune subtilité, aucun moment drôle. Je m'attendais à une sorte de Pirates des Caraïbes, mais malheureusement non. Ne vaut en aucun cas les 10 euros de la place, ni même 2 heures de votre temps. 0,5 étoiles. Lone Ranger. Ah putain! C'est ce que j'allais dire. Je vais avancer. Mais est-ce que je peux lire. Lone Ranger de. Attends, comment il s'appelle? Putain, je veux la voir. Je l'ai pas. Mais avec Johnny Depp. Avec ouais, Johnny Depp. Pirates des Caraïbes. D'où, en fait, d'où ça, voilà. Parce qu'il joue exactement comme dans Pirates des Caraïbes. Bah, c'est le même personnage. C'est le même personnage, mais ouais. Indien. Je vais vous lire un deuxième avis pour Lone Ranger pour le fun. Vas-y. Ce film est Lone excellent. Ranger. Pour l'avoir vu au cinéma, je le trouve tout simplement super, surtout que je suis très cinéphile. Cinéphile. Ciné, plus loin, film. Je suis très cinéphile. Incroyable. Moi, ça me tue. Je crois que j'en ai un troisième pour Lone Ranger. Si on se moque pas, hein. on se moque pas de ces gens. Non, parce que, on les aime. On est admiratif avant tout. Alors, j'aimerais bien là, parler. C'est un commentaire Amazon. Du coup, wow. C'est drôle. Cadeau attends. Non, c'est toujours Lone Ranger. Cadeau de Noël très attendu. Lone Ranger. Mais il m'encule mon commentaire, c'est pas possible. Bon, c'est. Ouais, je participe, j'ai un jeu. Il fait du mal à ton commentaire. Plutôt que enculé. Cadeau de Noël très attendu par ma fille qui est grande fan de tout ce que fait Tim Burton. Encore pas déçu. C'était pas aucun du tout rapport. Aucun rapport avec Tim Burton. Il y a Johnny Depp dans un film. C'est réalisé par Tim Burton. Ça ne peut être que réalisé. Excusez-moi, vous êtes Tim Burton ? Non, c'est Johnny Depp. Pareil. Pour moi, c'est pareil. Je vois pas Freddy les. Griffes moi, je vois l'ennemi. Pas les couleurs. Donc... Tim Burton. Crybaby ? Tim Burton. Ah là là, mais oui, oui, la pub Diesel for Men. Non, c'est quoi c'est pas genre Terre d'Hermès. Non, Sauvage. Sauvage. La pub Sauvage de Dior. C'est vrai. Bah, Tim Burton. Bah, Tim Burton, écoute, il n'y a pas de. Voilà. D'ailleurs, pareil, hein, un film réalisé par Tim Burton, il y a forcément bah oui. Johnny Depp dedans. Moi, déjà, oui, pour moi. Alors, on enchaîne avec un nouveau film. C'est parti, attention. Bah, le gobelet, s'il te plaît. Je ne sais pas combien de commentaires, mais cinquième film. Trop marrant ce film. Je suis parti le voir hier soir. Ah, j'ai trop rigolé. Je fais avec l'accent parce qu'il y a vraiment énormément de fautes. Franchement, ceux qui disent qu'il est nul et tout, vous avez pas d'humour. Puis ce qui est bien avec ce film, c'est qu'ils n'ont pas repris l'histoire que tout le monde connaît. Ils en ont inventé une autre. J'ai adoré. 5 étoiles. C'est Lucky Luke. Mais oui, mais vous êtes trop fort. Incroyable. Hein. Vous êtes trop fort. Non, c'est moi qui suis trop fort. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, c'est lui qui gagne. Vous avez remarqué que j'ai donné zéro bonne réponse. C'est quand bah même... Attends, tu vas pouvoir en donner une tout de suite. Le meilleur film de tous les temps. Des décors superbes, des acteurs qui reproduisent parfaitement ce qu'est le Far West. Des musiques bien interprétées. 5 étoiles. C'est... Les Dalton. C'est un autre film. Non, c'est le même film. Ah ok. D'accord. Lucky Luke. Lucky Luke. Ouais. Yes. Il m'a pris au dépourvu, ce con. Ah là là. Allez, tout le monde a gagné. Et un troisième pour Lucky Luke. Allez. Et après on finit. Bah nous on a soif de commentaires. C'est comme ça, on a soif de commentaires. On a soif. Bah bois mon gars. Bah je vais boire. Bah bois. Attends. Quand même pour la route. Le dernier de Lucky Luke. Quand même. Ce film est nul et ne mérite pas votre temps. Quel gâchis. On ne retrouve pas l'univers de Lucky Luke, mais au autre univers, pas vraiment intéressant. 5 étoiles. Moi, je suis d'accord avec ce gars. Ouais, 5 étoiles. Ouais. Ok. Moi, c'est pour ça qu'il y en a certains que je prends. C'est vraiment... Il n'y a pas d'étoiles à donner. C'est vraiment mon avis sur le film, mais je mets 5 étoiles. Okay. Donc... nouveau film, dépêche-toi, go. Allez, on n'a pas le temps. Ah putain, il y a combien de films là ? C'est le dernier, sixième film. 18. Sixième film, le yes. Dernier. Le but en or. Celui qui gagne, il a tout gagné. C'est la calife de l'euro là. Non, mais on compte pas les points, allez. Bah, de toute façon, j'ai pas. Sauf les miens. Allez, go. Bah, on va dire que Tanguy a gagné du coup. Ah, yes. Tu remets ton titre en jeu ? Allez, c'est parti. Allez. Les dialogues quasi inexistants sont nuls. Le film n'est pas réaliste du tout. Je veux bien qu'il veut la vengeance, mais le corps et la nature ont les limites. C'est plat, c'est ennuyant, c'est long. 0,5 étoiles. Ah là, c'est vraiment chaud. Alors, quelqu'un qui veut la vengeance. C'est Django Leon. Django. C'est pas Django. Non. On arrête. On l'a déjà eu, Django. Non. Je répète. Les dialogues quasi inexistants sont nuls. Le film n'est pas réaliste du tout. Je veux bien qu'il veut la vengeance, mais le corps à la nature a des limites. C'est plat, c'est ennuyant, c'est long. 0,5 étoiles. Je veux bien qu'il y ait de la vengeance, mais est-ce le corps à la nature. Est-ce que c'est un Sergio Leon? C'est pas du tout un Sergio Leone. On passe au deuxième commentaire pour votre réponse. Ouais, vas-y. Okay. Soirée grave pourrie, j'ai tout eu. Les bouffeurs de popcorn. De popcorn. Ouais. Les Ivas de la Tessie qui veulent s'asseoir sur tes genoux. Oh là là. Qui veulent s'asseoir sur tes genoux. Excuse-moi, je peux m'asseoir sur tes genoux, s'il te plaît. C'est super sympa en vrai. J'ai déjà eu des séances cheloues, mais quand même, il y a personne qui s'est assis sur Et le pompon pour ce film à dormir debout. Assurément, la plus grosse daube du réalisateur. Une longue suite de scènes grotesques ou invraisemblables, pas une once d'émotion. Amour chienne n'est plus qu'un lointain souvenir. 12 € pour ce flan. Quel malheur, je ne vais plus officiner. C'est fini. 0,5 étoiles. Oh, dans quel film coûte 12 € déjà? Bah, j'ai une petite liste là à côté. Si putain, merde. Non, ça lui a fait arrêter le cinéma. Ah, mais le gars ne va plus jamais au cinéma. Alors après, il y a un petit indice. Amour chienne, c'est un film du même réalisateur. D'accord. Amour chienne. Ouais. Ça a l'air d'être français. Donc Un film de cul, visiblement. Les Frères Sisters. Non, c'est pas un film de Jacques Audiard. Alors, il est pas français, le réalisateur. Il est canadien. Non. Il est américain. Non. Australien. Presque. Il est des États-Unis, de l'Amérique, mais pas des États-Unis. Ah, il est mexicain. Oui. Ah. C'est The Revenant. Oui, c'est ça. Mais de... c'est pas. Attends. Inarritu. Attends, The Revenant, c'est un. Inarritu. Mais il est mexicain. Oui, non, mais c'est pas ça. The Revenant, c'est un western. Ah oui. Un peu quand même. Ah bah oui. Est-ce qu'il se fait mal au dos? C'était western dans C'est vrai qu'il a extrêmement mal au dos. Hein. Donc, bah, le mec quand même, il se fait quand même assez agresser par un ours. Le mec se fait enterrer quoi, vivant. Ouais, bah, à mon avis, tout ce qui est douleur de dos, il en a pour quelques rééduques. Ouais, même hein. Pas que de dos, hein, je pense. La rééduque va se faire lentement quoi. Et donc c'est la fin. Le gars se bat avec un ours. Hein. C'est la fin de mon petit jeu. J'espère qu'il vous a plu. Non, c'était nul. Bah, moi j'ai adoré. Je déconne, super. C'était très bien. Bah merci. Enfin un qui sera gardé au montage. Yes. Et voilà. On peut passer à l'écriture, je pense. L'écriture avec du film. Toutes ces références qu'on a eues, toutes ces. Là, on sait bien. Ces clichés. Voilà, on s'est. Il on ferme, s'est nourri. Il ferme attends. Les yeux et il fait des gestes de. J'ai le soleil en face de la gueule. J'ai très chaud. Et il monte. Il va vraiment là bientôt dans tes yeux. Je le vois. Incroyable. Ah tu ouais, putain. Le meilleur moment de ta vie. Yes. Et du coup, je pense qu'on peut, on peut commencer à lister tous les clichés. Pourquoi non. Les clichés. Non. Mais si ça, c'est un peu un cliché ce que tu fais là. Mais non. Alors. On dit les clichés, mais que avec des accents clichés. Ah c'était un accent ça. Non, j'ai juste fait une voix bizarre. Ah. Ah bon, ah putain, ça ah oui, ça, c'est vrai que ça ressemblait un petit peu à un accent. Ah, ça ressemblait un peu à un accent juif. Non, mais c'était mais genre Cruchot. Ah ok, bon, ah, non, ouais, c'était juste oui, mal fait. C'était juste un accent mal fait qui du coup ressemble à un autre accent, ne vous inquiétez pas. Moi j'ai le droit. Moi j'ai le droit, j'ai de la famille juive. Bon, c'est pas une excuse du tout. Non. Enfin, quoi. Mais donc, du coup, quels sont les clichés pour vous? Moi, alors, généralement, il y a une douleur de dos à un moment. Ça se passe dans l'Ouest. Américain. Ouais, okay. Non, dans l'Ouest. Dans l'Ouest de la planète. Ah, la Bretagne, clairement, l'Ouest de la France. L'Ouest de la planète. Ah, exactement. Bah, du coup, c'est infini. Ouais, bah ça tourne. C'est vrai que c'est un film qui tourne. La Terre tourne. Bah non, mais moi ça me va. Comme... Bah, mais qu'est-ce que tu veux rajouter? Le mec a tout dit. Bah, le mec a tout dit, je crois. Hein. Voilà, bah. Bon, bah, c'est fini l'épisode, hein. Ça, c'était un accent un petit peu, non? Bon, c'est un accent bouffe, c'est pas grave. Encore un épisode vraiment mené. Voilà. Non, j'ai pas entendu donc, ce que t'as dit ton gimmick. J'ai dit encore un épisode rondement mené, mais ça méritait pas qu'on fasse 20 minutes là-dessus. Ah, rondement comme la Terre. Rondement mené, effectivement. Yes. Alors, donc, je te rappelle que la Terre est un peu plate. Maintenant, l'écriture. L'écriture, bah les clichés quand même. Je m'en fous. Bah, il y a des garçons vaches. Il y a des Indiens. Pas forcément, mais il y a des Indiens. Souvent, il y a une mention. Alors, il y a au moins la mention d'un conflit avec les Indiens locaux. Pas forcément. Alors déjà, j'ai écrit tous les westerns. Bah par exemple dans The Revenant. Dans The Revenant, pas d'Indiens. Bah pardon, ils sont attaqués par les Indiens. Si, les Indiens dans The Revenant. C'est exactement ce que je disais. Je l'ai pas vu. C'est pas grave. Non, alors l'ombre non, du non, micro non. Fait vraiment une grosse top sur mon pull. Juste en dessous de ta bouche. Alors personne ne connaîtra cette vanne. Donc. Ce que je voulais dire, c'est. Un cheval. Il y a toujours un cheval. Non, dans Django, pas d'Indien. Django, pas d'Indien. Mais il y a des méchants blancs. Les méchants sont blancs. Il y a un lézard vert qui parle, par contre. Est-ce que tu parles pas de Rango par hasard? Si. Je le sens. Avec pas, Johnny, le avec la voix de Johnny. Avec donc c'est Tim un film de Tim Burton. C'est un film de Tim Burton. Bah, en plus, oui. En plus, oui. Moi, c'est Factual Magazine. Non, je sais pas. En fait, je sais pas, mais on dirait vraiment. Non, c'est pas un film de Tim Burton. Ah, non, c'est pas un film de Tim Burton. Mais Factual Magazine a dit. Le mec qui a fait la critique du film a dit: je n'ai pas vu le film. Au moins, il est factuel. Mais d'ailleurs, c'est Johnny Depp qui est dans Le Lézard. Exactement. Qui joue le lézard, voilà. Bah, vraiment, c'est un tous les gestes et tout. Hein. Ouais. C'est non, non, mais... c'est tu sais, comme les mecs coups. Sont forts. Eh, mais c'est Hollywood, mon pote. Ah, je peux te dire qu'il y a du budget. Hein. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Non, dans Les 8 salopards, pas d'Indiens. Si, il y a peu de choses. Et si, en plus, il y a mention de la guerre avec les Indiens. J'ai dit, il y a au moins mention, ça veut dire qu'il faut qu'on contextualise. Le bon, la beauté, le train, les Indiens? Dans le fond à gauche. Plan 34. Je les connais tous par cœur, mec, je les ai écrits. Non. Enfin, ok, je ne peux pas rivaliser. Et dans les Dalton, il n'y en a pas. Si. Ah bon? Je sais pas, j'ai pas vu. Le mec, il parle que du film qu'il a pas vu. Bah, je suis plus pas vu magazine. C'est le nouveau. Bah, c'est l'hebdomadaire avec le quotidien. Voilà, c'est pas du magazine. Voilà, Mais donc, oui, effectivement, il y a des films où il n'y a pas forcément d'Indiens, mais un peu dès que tu as des Indiens, enfin des Amérindiens. Mmh. Oui, bien sûr, les Amérindiens. T'as ce côté-là vraiment, alors très souvent caricatural. Mmh. Oui. Roux. Bah oui. Oui, Caturo, effectivement. Excuse-moi, je suis un grammaire nazi, en fait. J'ai cru que t'avais dit gros. Parce que j'aime bien la grammaire et je suis allemand. J'aime bien la grammaire, mais pas les juifs. Il a le droit, sa famille est juive, mais non, t'as pas le droit, jamais. C'est pas moi. Je disais le grammaire nazi. Hitler disait ça, j'ai le droit parce que j'ai de la famille juive. J'ai le droit, je suis nazi. Et voilà le point Goldwyn. Yes. Goldwyn. Goldwyn, c'est ce que j'ai dit. C'est Goodwin, non. Le point Goodwin. Bon, bah, je me suis trompé. Le point Goodyear. Peu importe. Donc, oui, ça n'existait pas encore à l'époque. Genre, des chevaux. Ça, oui, ça, ça par bah, contre, c'est le moyen de locomotion. Ouais, je pense qu'on peut tous être d'accord qu'il y avait des chevaux. En vrai, un western sans cheval, c'est un peu comme un hamburger sans pain. Sans hamburger, sans hamburger. C'est vrai. D'accord. Un hamburger sans pain, bah, si, c'est un bon steak avec une salade. Bon, ok, alors peut-être, mais c'est pas un hamburger, quoi. C'est autre chose. Steak vegan. Un western sans cheval, c'est pas un western, c'est autre chose. Ok, ça me va. Western sans cheval, ça va, mais c'est pas non plus. Donc, ouais, Tanguy, pardon. Excuse-moi. Oh, bah non, t'inquiète, hein, je t'en prie. Il y a des chapeaux. Ouais, voilà, il y a revolver, chapeau, ce que tu disais. Très stylé, qui ne vont à personne en dehors du film. Mais c'est vrai, c'est ouf ça. Parce que dès que je mets un chapeau. Ça me va pas, je me dis. Mais si j'ai un béret, mec, ça n'est pas la même chose. Non, non, non, non, non. C'est un Stetson de 1886. Tu sais, 1886. J'ai oublié comment parler. Non, et non, c'est vrai. Je me suis dit que si j'étais né à cette époque, j'aurais un swag vraiment négatif. Ouais. Excellent. Après, tu n'es pas né à cette époque. Je suis un millénial. C'est pour ça que je dis swag. Ah, c'est donc toi. Ah oui. C'est toi le mini. Je suis l'échantillon représentatif. Mais du coup, voilà, il y a ce côté-là de la nature, le chapeau, le revolver, le conflit. Des gens qui prennent des bains et alors qu'ils sont très très sales. Ouais, mais ils en prennent genre deux fois dans l'année. Bah justement, ouais, ils le prennent pile quand il y a le film. Exactement. C'est vrai. Oh bah il y a l'équipe de tournage qui moi je vais prendre un bain. Je vais me faire beau pour le film. De la sueur. Non, vraiment, il suit tout le temps à fond. En même temps, il fait. Mais c'est viril. Ouais. Bah, en même temps. C'est viril. C'est. Voilà. C'est beau. Ils ont des ponchos. Oui, souvent. Bah, alors, il y a des Mexicains qui ont un accent très, très, très, très, très, très prononcé. Toujours. Non, mais ouais, toujours, toujours. Généralement. Ouais, ouais, ouais. Bah, attends, côté... tu vas pas me regarder comme ça, comme si j'avais dit. Hein. C'est le côté non, caricatural. Mon cerveau s'est éteint, les... c'est pour ça que je t'ai regardé. Toutes les minorités sont caricaturales. Ah oui, dans ces sauf les blancs. Les blancs sont stylés. Bah, à l'époque, hein, voilà. on était, je le rappelle, hein, sous la ségrégation. Hein, voilà, je... Non, pas encore. Si, non, mais, l'esclavage. Non, mais à l'époque de la réalisation oui, du film. Oui. Ah oui, ok. Mais voilà, du coup, il y a ce truc-là. Le racisme était quand même bien implanté. Voilà. On n'avait pas encore dit, c'est pas ouf comme truc. Le racisme, je m'en passe. Il y a John Wayne. Dans un western, il y a John Wayne. Oui. John Wayne ou Clint Eastwood. Bah, c'est l'un ou l'autre. Un film de John sachant Ford. Sachant que c'est ça qu'on définit si c'est un western à l'américaine ou un western à l'italienne. Ouais. Ah, c'est. Enfin, je sais pas si c'est au niveau de. Grand Torino est un western. Parce que t'as des films, t'as des westerns américains qui sont avec Clint Eastwood et non. qui sont bien américains. Je pense que c'est plus au niveau du réalisateur. Tu vois, un John Ford, c'est américain. Un Sergio Leone, c'est italien parce que vraiment, genre, ils ont pas la même façon de réaliser. T'es sûr de toi? Il faut pas les mêmes plans tout le temps. Pas à fond, mais quand, je vais le défendre un peu. Je commence à voir plus rien. C'est vrai. Ouais. Il a le soleil dans la gueule. Bah, voilà. Alors qu'on est en pleine nuit, c'est fou. Mais putain, c'est fou. Mais c'est cette fou, lune, c'est la pleine lune ou quoi? Il y a plus de saison ou quoi? Non, mais moi je vous le dis là, il est. Moi je vous le dis. Enfin, je te le dis. Il est 23h là. La lune me tape en plein dans la gueule. Ça, bah, ça, c'est à cause de Monsieur le Maire. Toujours c'est comme dans le dessin animé là où il y a le maire qui appuie sur un bouton et après le soleil il se lève. Non, si vous avez cette ref, c'est vraiment le film avec Jim Carrey. Ah oui, aussi. Voilà. Mais moi je parlais d'un autre truc. Okay. C'est un gars qui va vivre dans l'espace et puis après il doit gérer. C'est dans ça. L'espace, ça va. Ouais, du coup, pour en revenir au western, parce que franchement, ta vie de dessin animé c'est pas notre préoccupation. Mm-hmm. Voilà. Ça se tient. L'ambiance est posée, les mots sont lâchés, les mots sont durs. Je sais pas, Louis, peut-être un petit peu, un truc à ajouter. Est-ce qu'on part du principe qu'on part sur un western où le personnage principal est en crew ou en solitaire? Solitaire. Ah, bonne question. Solitaire. Ah oui, parce qu'on peut faire un truc genre il est solitaire à la Red Dead. Alors c'est est-ce pas. Est-ce que vous avez? Oui, j'ai non, joué, c'est j'ai... un jeu vidéo. Jeu vidéo, donc on va pas spoiler parce que vraiment tout le monde veut y jouer. Mais tu l'as pas fait ? Si si, je l'ai fait. Non mais c'est pas une question de spoiler, c'est oui, que ils sont en bande, Red Dead, voilà, ils sont en bande. Après c'est un jeu vidéo donc c'est pas la même structure narrative. Mais moi je me dis que tous les films, ils commencent tout seuls et soit ils finissent encore seuls, soit oui, ils commencent en bande et ils finissent seuls. Non, généralement c'est pas ça. Bon, quand même, je te permets pas. Bah si. Ah ben, on peut dire que la majorité du temps, ils commencent seuls. Déjà tous les spaghettis. Pardon pour cet emploi de thème raciste. Non mais c'est bon, on va pas s'excuser à chaque fois. On va pas s'excuser à chaque fois d'être raciste. Les Italiens, à un moment, bon, prenez sur vous. Quoi. Non mais. Tu vois, du coup, à ce moment-là, si on passe du principe que par exemple, qu'il commencerait par être solitaire. Il lui faut quelque chose pour s'occuper. Et là, je vais parler de mon domaine. Il lui faut un instrument de musique. Ah, il fait de l'harmonica. La mandoline. Voilà. On aurait pu penser pour une guitare ou une mandoline ou ce que vous voulez. Mais c'est trop encombrant, ça prend de la place. Alors, l'harmonica est là. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. J'espère que, c'est... que t'en as pas un que tu as ramené. Ah non, j'ai pas ramené l'harmonica. Ah, putain, eh bien, alors que moi, la mandoline... je l'ai. Alors, bah, la mandoline a gagné. Ce que vous avez pas vu à l'image, c'est qu'il a vraiment sorti une mandoline de sa poche. Donc le mec est fort. Le mec a des très grandes c'est poches. Évidemment faux. Ouais, croyez pas tout ce qu'on vous dit. Super pantalon. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur Internet. Eh oh, fake news. Mais okay. Donc, du coup, oui, il y a ce côté dans les westerns américains, t'as presque toujours une petite séquence musicale avec En même temps, le cliché du feu de bois la c'est nuit, enfin, Johnny Cash qui va bien. C'est ouais, ça, faut une partie musicale qui accompagne tout. Et on fait des petites marshmallows au feu et puis c'est parti. Mais ouais, clairement. C'est un bon. Ils avaient ça à l'époque, non avaient, bah oui, évidemment, ils achetaient ça au carrefour du coin, les mecs, ils se prenaient des petits Haribo. Voilà. Les mecs, ils étaient tellement ouf, ils se grillaient des tagalas, c'est des malades. À l'époque, c'était le Mexicain qui vendait en fait les marshmallows. Eh oui, bah les clichés ont changé, hein, tu sais, les clichés évoluent. Et mais c'est toujours les minorités qui sont. Les clichés comme ça, c'est toujours c'est les minorités. Hein. Bon, passons à l'écriture de cette merveille que va être le film. Yes. Dont le titre pourrait être. Qu'est-ce que pourrait être le film? Je crois que Tanguy avait une idée. Bah moi j'avais pensé si on met des Indiens on peut l'appeler un Indien vaut mieux que deux Tuloras. Ouais. Ouais ça fait c'est pas du tout naturel. Non mais on l'a déjà enregistré ça. Non on a enregistré le tout début parce que mais voilà. Mais voilà, bon bref. Acteur studio avait... yes. Mais on avait c'était aimé. C'était pas du tout naturel. On avait aimé le sous-titre donc on va le garder. Voilà non Indien vaut mieux que deux Tuloras bon voilà. On partait là-dessus. Vous la prenez dans votre tête vous la réfléchissez vous rigolez vous-même on n'a pas besoin de faire les rires pour que ça soit drôle. Bah, excellent. C'était ma vanne, je m'éloigne du micro. Du coup, est-ce que le personnage principal, ça pourrait être un Indien? Tu vois, c'est. Bah, moi, j'ai des propositions. Ah que ouais, ce ça pourrait avec, être cool. C'est trop original. On est. Waouh. On écrit que des films originaux. Ah, yeah. Bah, un Indien, oui, à part mais... un Indien dans la ville qui ne se passe pas dans le western. Est-ce que c'est un western? Un Indien dans le western, je sais pas. Non, mais genre, par exemple, Lone Ranger. Le personnage principal, c'est Johnny Depp, c'est un Indien, donc. Non, le personnage principal, c'est clairement le Capitaine Jack Sparrow. On va arrêter de me faire croire que c'est un Indien, c'est un blanc maquillé mal, donc mal maquillé, pardon. Ouais. Mais ouais, voilà. Non, c'est après c'est peut-être trop original. Nous, on est censé faire des. Ouais, on est censé. Ouais, faire quoi des que clichés, ça. En vrai, c'est un Indien qui se prend pour un cow-boy. Ça peut être marrant. Ou alors c'est un cow-boy qui. Se prend pour un buter, Indien. Qui veut buter un Indien. Oh bah c'est pas très original. Bah non, c'est pas méchant. Ou c'est un cow-boy qui rêve de se reconvertir en tant qu'Indien. Mais justement, un cow-boy. Il est allé voir un conseiller d'orientation, il s'est dit qu'est-ce que je peux faire de ma vie. Indien, ça a l'air pas mal. Dans quelques années, on va être vraiment discriminé, c'est le moment. Attends, dans quelques années, on est bientôt à court d'Indiens. À court d'Indiens bah, moi, j'en ai 2-3 autres en haut. Il y a une pénurie d'Indiens. Putain, c'est aux États-Unis. Bah, ça, c'est à cause de. C'est la crise, c'est à cause de la guerre. Non, moi, je pense que c'est ça. Bah, c'est principalement les maladies. Ouais, ouais. Malheureusement, les maladies, la guerre, tout ça. Pas des trucs ouf. Un podcast qui dénonce. Un podcast qui dénonce. On est engagé. La guerre. J'ai dit non. La guerre. Je dis non, c'est de la merde. C'est de la grosse merde, la guerre. La guerre. J'ai l'impression. Hein. C'est une impression, mais. Je sais pas si vous avez remarqué. Alors, donc c'est. La guerre, très peu pour moi. C'est un Indien qui, genre, qui veut s'intégrer. Et devenir un cow-boy. Ouais, il veut faire ses preuves. C'est bien ça c'est comme ressort scénaristique. Ouais. Bah, alors je dis c'est bien à notre échelle, hein, parce que dans un vrai film, non. Mais... Du coup, ce serait un Indien qui veut devenir un cow-boy, mais pas pour chasser des Indiens. Parce que si, parce qu'il déteste. Il y a un moment, il y a un autre Indien qui, genre, il lui lance du sable et lui il fait ouah, je déteste les Indiens. Après, il a la haine facile. Il s'est fait harceler à l'école des Indiens et de Haine. Mais qui se faisait bully parce qu'il avait un petit peu trop de poids dans la tête des gars. Et puis voilà. Et puis une chose entraîne l'autre. Après, on devient cow-boy. Hein. Mais du coup, il nous faut un nom d'Indien parce que les Indiens, ils ont toujours des noms un peu composés. Avec hydrolatiques, si je puis dire. Ouais, mais non, parce qu'il prend son nom de cow-boy. Les trucs genre plume de feu. Il faut un truc. Alors attention, hydrolatique. Je préviens, ça va être très très raciste exprès. Hein, ok. Bah, oui, oui, bien sûr. On est vraiment, on dénonce. Okay. Nous, on est dans la dénonciation. D'ailleurs, en parlant de la Seconde Guerre mondiale, bah c'est de la merde. C'est pas cool. Alors, moi, mon grand-père, il m'a dit que. Waouh, la blague. Qu'en vrai, on en parlera plus tard. Mais alors. Autour d'un petit verre. Donc, du coup, un nom d'Indien. T'avais justement, t'allais dire un truc plume raciste. Plume de feu. Non, mais dis, ça va être raciste exprès. C'était plume de feu ? Ah d'accord, ok. Plume de feu, c'est un exemple, mais je sais pas. Il peut s'appeler. Éclair de facochère, je sais pas. Éclair de facochère. Il y avait des facochères à l'ouest. Mais non, c'était en Afrique, les facochères. Enfin, c'est en Afrique. Ouais, c'était depuis, ils sont exportés, les gars. À l'époque. Ah, les gars, ils ont pris l'avion, là. Ils ont accès à c'est en Afrique, les facochères. Non, je sais pas. Non, mais c'est un Indien qui a regardé RMC Découverte. Il a vu un reportage. Oh putain, c'est un facochère. Il a vu le Roi Lion, il a kiffé sur Hakuna Matata. Bien sûr. Je sais pas quoi. Le tapir malicieux. C'est pas non plus américain. Si, il y a des tapirs. Non mais t'as pris un accent. Il y a des tapirs. Non mais en vrai, on m'a dit il y a des tapirs. On m'a dit que quand je m'énervais, j'avais l'accent belge alors que j'ai oui un peu belge. Oui. C'est vrai. Oui. C'est trop. Mais drôle. Mélange accent belge bourgeois. Ah ouais. Ouais, c'est la bourgeoisie. Les Belges aisés. Alors. T'es vraiment de l'ouest de Bruxelles en fait. Le 16e bruxellois. Mais du coup, faut qu'il ait un nom quand même d'Indien un peu honteux, parce que si on le fait changer pour un nom de cow-boy, il faut qu'il ait un nom de merde, quoi. Ouais. Le fourmilier aigri. D'ailleurs, je connais une petite blague à ça. Est-ce que je vous la raconte? C'est toi qui la connais. Elle est vraiment trop longue. Mais... Ok, bah tu nous la raconteras enfin. D'accord. Ça, si vous restez tu jusqu'à la fin. Tu la mettras en commentaire. C'est non, compliqué. Il n'y a pas de commentaire, mais si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez la blague de Théophile. Voilà, vous aurez la blague. Elle vaut le coup. Vous avez dit que ça vaudrait le coup de rester jusqu'à la fin. Et donc, cet Indien qui s'appelle Petit. Ça commence par Petit. Ouais, petit. Alors, on va dire chacun un mot. Ok. Petit. Platane. Doré. Je pense aigri. Ouais, c'était le mot trop. Bah, il y en a que trois, je suis le quatrième. Non, mais c'est trop élogieux, doré. Fin... Ouais, alors on va faire petit. De merde. Petit. Attends, je suis pas prêt. Wow, tu prends des bonbons mousse. Petit bonhomme mousse. Moi, je suis d'accord. Bah, je suis d'accord. Ok, c'est parti, ça part en pointe. Donc, on a petit bonhomme mousse qui est là, dans la plaine, à la récré des Indiens. Ah, le petit bonhomme mousse. C'est pour ça qu'il veut devenir un cow-boy. Je ne suis pas qu'un petit bonhomme mousse. Je peux aussi être de fer. Les gens, moi, je veux voir les avis de recherche qui vont être faits sur lui. Mort ou vif, le petit bonhomme en mousse. Rebondissement, on l'appelle le petit bonhomme en mousse parce qu'il a tout le temps mal au dos. Ah bah oui, effectivement. Bah écoute, maintenant que tu soulèves un point... Pas du tout, parce que c'est une bite. Hein. Santé. Non. Parce que c'est ça la chanson. J'espère que vous le savez. Oui, oui. La tub. Le zizi. On peut en citer plein des exemples. Des exemples de mots qui veulent dire, cette chose, il n'y en a pas. Et donc, cet Indien, il se fait harceler quand il est jeune. Ouais, bah de par son nom. Ça commence par une scène de harcèlement. Scène de prévention. Scolaire, mais c'est du scolaire, mais c'est d'Indien, ça donne quoi Indiens, genre, ouais. C'est quoi les mais écoles d'Indien? Ils changent des flèches. Bah, ils se donnent des coups de cheveux. Moi, j'ai envie de dire que les Indiens, ils rigolaient pas. En mode, tu vois, tout le monde fumait le calumet de la paix, sauf lui, tu vois. Des trucs comme ça, on l'exclut. Ouais, man, tu veux le... Ah bah non, il s'agirait de grandir. Mousset, la mousse. Il l'appelle la moussaille. la moussaille, ouh. Oh, t'es du lichen ou quoi? Allez. c'est du lichen, le mec, hein. J'adore ton petit mimique, après, t'es venu de dire, allez. Yes. Moi, ça me fait rire. Et donc, du coup, il s'en va ou on le perd? Ah bah si on non, perd, on peut va. Pas faire de film parce qu'on non, a. Mais est-ce que, tu vois genre la caméra, c'est qui le cherche. Mais où non, il fait son baluchon un soir. Il y a la voix. Ouais, petit bonhomme à mousse. Oh. Il fait son baluchon un soir, c'est-à-dire qu'il prend sa petite nappe. En gros, il y a une scène où il est adulte et genre. On sent, tu vois, que genre, les autres, ils l'aiment pas. C'était le harcèlement de trop. Au moment du calumet de la paix. Le harcèlement de trop. On fait une pause. C'est pas hyper drôle. Oui, c'était Eddie Depreto en direct. Ah, c'était lui, il était là actuellement. Oui, oui. Incroyable. Ah putain, j'ai loupé. C'est lui qui a fait cette vanne d'ailleurs. Fais chier, putain, j'ai loupé. Pas ouf hein, comme vanne. Ouais, j'aime pas trop ce mec. Alors, donc. Harcèlement de trop. Voilà, genre, il y a le calumet, tout ça. Et genre, quand ça vient à son tour, genre, ils sont en train de parler de trucs d'Indien, je sais pas, genre, de la soupe. La fameuse soupe. Je sais pas, ils font quoi les Indiens? La salade du hippopotamus. Du buffalo grill, pardon. Pourquoi? Parce que c'est... Ah putain, tu connais pas. C'est toi qui avais raconté. Il y a des anniversaires au Buffalo Grill et les mecs sont obligés de chanter à Petit Indien, Petit Indien. Bon anniversaire les petits Indiens. Ah sérieux? Bon anniversaire les petits cow-boys. Venez chanter, danser avec tous vos copains. Hey wow. Il véridique. Hein. Il connaît par cœur. Bah il l'a fait. Cet homme n'est pas vegan ou quoi? C'est mon gag en ce moment. non, alors, en gros, ils sont en train de parler, je sais pas, de chasser du bison. Ils font... plume de fer, t'as pas bien chassé aujourd'hui. Bah, c'est à cause de petit bonhomme en mousse là. Genre, mec, ouais, il tire une flèche, il se tire dessus le con. Comment ça à le lyncher. Mais du coup, ouais, est-ce que c'est vraiment de l'acharnement gratuit, ouais, et c'est pas gratuit. Vrai ou c'est. Non, c'est pas payant, non, c'est... non mais c'est... il est un peu maladroit, tu vois. Ouais, parce voilà, que c'est un peu, ça. Voilà, il est un peu maladroit, mais c'est pas de sa faute, tu vois. Il est bah, c'est juste nom. Un peu maladroit en fait. Ce qui est pas dramatique. Ouais. Mais les autres, ils en font tout un plat parce d'accord, que c'est ouais. des. C'est... Les cons, ouais, c'est des cons. De toute façon, les cons. De toute façon, c'est des oppresseurs. Hein. Ouais. C'est le principe moi, je vous du dis, harcèlement. La maladophobie, la maladroitophobie. La maladophobie. T'as peur des malades. Ouais, bah. T'as un rhume. Ce qui est plutôt sain, en fait. Hein, de... Ça s'appelle avoir un esprit. Alors, moi, mon meilleur ami est malade. Mais là, en ce moment, je tiens à saluer. Genre, bah, ouais, voilà. Non, mais malade, ouais. Enrhumé, je ne m'approche pas pour ne pas tomber enrhumé aussi, tu vois. C'est ça que je voulais dire, je voulais pas dire. Oui, pas malade, pas des vrais enfin des graves maladies. Pas de voilà, pas de validisme. Non non, c'est une petite maladie, j'ai envie de dire. Peu de petit profit. Mais du coup, dépend. On est d'accord qu'il part, mais voilà. Qu'est-ce qui lui donne envie d'être cowboy? Je veux dire la vengeance. Franchement... c'est une histoire de vengeance. Ouais, comme disait ouais. Le commentaire sur ah de ouf. J'avoue que ça se tient. Il veut retrouver un à un tous ses petits camarades et c'est clairement un slasher. Non, c'est plus genre c'est bah, c'est un film de vengeance, quoi. Non, c'est... en fait, il a refait sa vie. Il est devenu un mec plutôt stylé. Il a changé de nom. Il les recroise. Il se fait bully une nouvelle fois. Et le mec, il dit bon, ok, les gars, ils ont pas changé. Je vais appliquer ma vengeance. Ouais, s'il se refait bully, c'est chaud quand même. Alors non, qu'il non, est non, stylé. Non, ouais, parce que eux, ils le voient encore comme petit bonhomme à mousse. Alors que maintenant, c'est John Williams. Il s'appelle Clint Eastwood. Voilà, je aucun pense. Rapport. Non, aucun rapport avec l'acteur. Oui, non, aucun rapport avec l'acteur, bien sûr. Non, et donc, Non, mais moi, je suis plus chaud que. Genre, il part vraiment pour faire équipe avec les cowboys et se venger. Genre, c'est vraiment. Est-ce qu'il a conscience que. Parce que lui, non, c'est mais un parce indien que... dans un monde de cowboys. Ou est-ce oui, que lui, oui. Il se dit, bon, non, c'est. Si je mets ah genre, ouais, tous les habits de. Il a conscience, de parce qu'il y a ouais. Le racisme et tout. Il se fait quand même cailler genre, tous les jours. Genre, ouais, il tombe sur une troupe qui est sympa, tu vois. Mais d'habitude. Tu vois, ça pourrait. Non, mais après. Ça pourrait être marrant qu'il, lui, il se dise, ok, c'est bon, je suis un cow-boy, mais en fait, tous les autres autour le voient pas comme un cow-boy. Ah oui. Tu... Mais après, je pense qu'il y avait des Indiens qui étaient. Ah oui, bien sûr. Qui étaient intégrés. Genre, oui, parce qu'ils obéissaient aux Blancs. Hein. Ouais, voilà. Donc c'est pas. Ça s'appelle collabo. Pas déconnant, quoi. Les collabos. Non, non. Ils visaient pas tout le temps séparés. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Je pense. Mais. Bah, la majorité était déjà mort, hein, donc séparés par. Oui. 6 pieds de terre. C'est vrai. C'est pas faux. Donc, ah, un et donc il veut se venger. C'est vrai. Et donc là, oui. pour il va dans une petite un petit village. Petit village où il n'y a même pas le train. Brest. Village City. Il y a juste le télégraphe. Brest. Ça s'appelle New Brest. New Brest. New Brest. Non, New Brest. Parce que tu sais, ils font souvent ah ça. Oui, ils, oui. New York, New Orleans. Ouais. Donc là, c'est New Brest. Newt. Newton. Le personnage dans le labyrinthe. Tu veux dire la sous-marque de Ikea? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Newt. Ik. Et donc, il arrive sur son cheval sans sel, parce que les Indiens, ils n'ont pas de sel. Hein. Et pas de poivre non plus. Et il s'appelle comment, le cheval? Et quand est-ce qu'il assaisonne? Je suis en train de faire un AVC. Je reviens, je fais un AVC vite fait. Le cheval doit avoir un nom kitsch aussi, comme dans Grand Galop ou ce genre de trucs. Oui, genre petit tonnerre et tout, ouais. Ah, de ouf! Petit tonnerre! Genre, attends, bah du coup, c'est Grand Galop, petit tonnerre. C'est genre un truc avec la météo, genre parodie de petit tonnerre. Cumulonimbus! Ça, c'est stylé par contre. Petit éclairci. Petit éclairci! Anticyclone des Açores. Triangle des Bermudes. Plus vite, Tramontane, plus vite! Tramontagne, j'aime bien. Sinon, même le cheval n'est pas très cool au final et tu l'appelles dépression. Waouh! Waouh! C'est un cheval, comme dans le Lucky Luke, qui parle. Il dit non, mais mec, je m'en fous. J'ai mes problèmes, moi. Écoute, voilà, je vais prendre un point, je vais prendre un temps pour faire un point sur moi-même. Tu reviens quand même t'as calmé. Le cheval, il écoute pas, tu vois. J'ai ma vie de cheval. Oh, j'ai une famille, ok. Du coup, il se casse, mais il se casse même pas en cheval, il se casse à pied. Parce que c'est un cheval. Il essaye de monter sur le cheval. Non, je pensais que tu parlais du cheval qui se bat. Il monte sur un autre cheval. Allez, petit honneur. Non. Allez, cumulo. Il monte sur son cheval et le cheval veut pas partir. Il fait oh, flemme. Oh. Et genre, ma femme m'a quitté. Putain, tu connais pas ma vie, ok. Ma jument m'a quitté. Ouais, oh, ça va là. Tu montes sur mon dos. Et j'ai mal au dos, j'ai une hernie. Le cheval. Et du coup. Causé par ton poids, petit bonhomme en mousse. Non. Ah, c'est par accord. Ah oui, parce qu'il est petit, pas oui, il est frêle. Ah, on n'a pas dit. Il est frêle. Mais non, mais genre, mais en fait, ouais, il fait genre, tu vois, le cheval, il fait genre pour pas qu'il monte. Et du coup, il part à pied. Donc, comme ça, il respecte les animaux parce qu'il est vegan. Plus écologique. Il est vegan, il en mange tous les jours. Mais les Indiens étaient vegan. Alors, Factuel Magazine, on sait pas. C'est vrai? Bah, ça dépend. Non, c'est pas vraiment. Moi, j'ai dit un truc, j'en sais rien. C'est pas le bison. C'est vraiment ça. À la base, l'embrouille, bah, ça part d'une chasse au bison. La guerre, elle a commencé quand même sur Michel le bison. Les gars, ils s'étaient pas départagés la départementale D. Donc, bon, au bout d'un moment, quand t'empiètes sur mon territoire, moi je tue toute ta famille ainsi que tous les autres. Et les gars, ils étaient là, bah le bison, non, on avait dit pas le bison. Putain, les gars, oh. Bon, bah on fait la guerre. Il y a WWF qui est arrivé, bah non, les gars, c'est une espèce protégée. Au bout d'un moment, bon. C'était un panda direct qui arrivait. Au final, c'était bison futé. Yes. T'as tué nos systèmes de navigation, ça va pas. Et Waze, ça marche comment du coup? Bah voilà. Bah, hey. Donc ils sont. Tu m'étonnes qu'ils ont mis autant de temps à conquérir l'Ouest. Heureusement que je suis là. Il y avait pour, des bouchons sur la rocade. Heureusement que je suis là pour revenir vers l'histoire. Pardon. Et que c'est pas toi l'animateur. Alors que c'est censé être ton rôle. Hein. Oui, mais moi je fais des vannes surtout. Bah, cette fois. Je crois que tu dis ça à chaque épisode. c'est mon taf. Et ouais, donc revenons-en à l'histoire. Donc il part à pied et il rejoint la première ville qu'il voit, New Brest, qui a disparu depuis. Hein. C'est une ville fantôme. Mais à l'époque, c'était une grosse ville. Hein. C'est un peu poster. La plus grande ville à côté, c'est New Lorient. Ouais, et après, il y a New Le Mans. New Cancun, toutes les villes qui existent. Les Américains sans inspi, on fait que des new. Oh, tu vas à New Saint-Tropez. Oh là là. Et du coup, il arrive à New Brest. À New Nice. Allez, à New Brest. Et il se fait mal accueillir déjà. Genre, il arrive au saloon. Genre. Kenavo. C'est vrai, il y a que des Bretons là-bas d'ailleurs. New Breton. Ils parlent que Breton. Ils parlent tous Breton. Et lui, il arrive. Il parle indien. Ils se comprennent pas. Ouais. Du coup, il apprend le Breton et il revient. Et là, ils se comprennent. Bah, il a Babel hein, sur son téléphone. La Babel, voilà. Duolingo. L'application. Et du coup. Pour ceux qui ne connaissent pas, Babel est une application pour apprendre les langues étrangères. Voilà. Ou pas étrangère d'ailleurs, enfin, genre ça dépend de quelle. Bah, généralement, c'est pas ta langue à toi. Donc. Voilà, plutôt, mais peu importe. Oui. La suite. Bah, il arrive à New Brest et il faut qu'il trouve un vieil homme. Il faut qu'il confronte. Ouais. Genre au début. Ouais, il y a une confrontation parce que le mec il est habillé en indien. Parce que attends, là, okay, là combien de minutes genre de ouais, il rentre dans le. Là on a. C'est un western genre, donc on en est à 27. Hein. C'est... À 27 ouais. Mais c'est vrai que c'est très long. Mais genre. Presque 30, enfin on est à la première demi-heure. On a un bon quart, tiers d'heure. On a la quart du on est au quart du film en gros. Ok. Oui, c'est juste balader dans la prairie et faire lyncher par. Non, mais en gros. Non, au début ça prend un peu de temps quand même le temps qu'on voit. Oui, bah c'est un western. Et qu'il traverse les. En fait, on lance un caillou, un plan sur un paysage, il lance un caillou, un plan sur un autre paysage, c'est. Voilà, c'est ça. Il commence une phrase. Plan sur les yeux entre chaque plan sur le paysage. Aussi. Avec des bonnes répliques. Parce que forcément, enfin, oui. les Sergio Leone, t'as toujours des punchlines de bâtard. Ouais. De, dans la vie, il y a bah, on se souvient de Tu es un sorcier, Harry. Exact. Bon, ça m'a marqué. Et du coup, il arrive New Brest. Et là, il rentre dans le saloon parce qu'il sait pas où aller en fait. Ouais. Et genre, ça va pas du tout. Ça se passe mal. Y a plus de cidre. Genre, même le pianiste, il s'arrête de jouer. Ouais. Tu genre, vois, le pianiste, ouais, il le joue pianiste, sur son piano. Il y a un scratch de vinyle. Il y a un scratch de vinyle, mec. Et là, tout le monde se rend compte que c'était un arnaqueur en fait. Le pianiste, mais tu sais pas jouer du piano en fait. Le mec débranche son iPod. Excusez-moi, les gars. Pardon, j'ai mis du Enrico. Après, ils le remettent à une pub Spotify. Donc, c'est les promos, chez Casto. Waouh. Donc il fait ça. Ouais. Et là, il y a un cow-boy qui fait. Et c'est très, ils sont très très racistes. Bebop. Attends, comment il a. Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'était peau rouge, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu fous là, peau rouge? Ouais. Genre, ils mettent tous leur chapeau, genre en mode. Ils voient plus rien, tu vois. Ils regardent partout. Mais t'es où, peau rouge? Je te vois pas. J'ai le chapeau. Tes pieds. J'ai le chapeau sur mes yeux. Je ne vois rien. Non, mais tu sais, ils baissent leur chapeau pour faire l'air menaçant. Ouais. Ils mettent tous la main sur leur colt. Et là, il se taille, le gars, parce qu'il voit qu'il est, il est mal. Tu crois que t'es où? Bah, au bar. Non, exactement. Non, en fait, il se fait tabasser. Genre, il y a un gars qui arrive par derrière. Et genre, il se prend un coup de revolver sur la gueule. Et là, hop, plan de l'extérieur. Ouais. Il se fait balancer par la fenêtre. Il se fait balancer, ouais, du saloon. Et genre, là, il y a une espèce de vieux sage. Tu l'as bien cherché. Non, qui arrive et qui l'aide à se relever et qui l'amène chez lui. En fait, c'est un gars qui vit un peu. Ok. Un ermite. Ah non, c'est pas un ermite, mais c'est un fermier qui vit seul, un peu. Est-ce que c'est un chercheur d'or? Loin, enfin, pas dans la ville, quoi, mais un peu à côté, quoi. Non, il est pas matérialiste. Non, il est pas matérialiste. C'est juste un fermier. Il a ses vaches. Il a un peu de un 4x4 et. Voilà, un 4x4. Il s'appelle John Wick. Excellent, c'est une référence. C'est une référence. Hey, est-ce qu'il avait pas un chien par hasard? Qui s'appelle Rentemplan. Hey, c'est fandard. Yes. Complètement tu fandard. Tu réutilises tous les codes. Waouh. Mais en fait, tout est lié dans nos films. Du incroyable. C'est le Intérieur Nuit Cinematic Universe. Non. Non, j'en avais essayé. Non, je ne peux pas dire AVC toutes les 3 minutes quand même. Je reviens, je vais pisser, je fais un AVC, je reviens. Je me fais un massage cardiaque là. Bref, donc il la ramène chez lui. Il lui fait un petit ragoût. Ouais. Il mange des ragoûts dans les. Oui, des soupes très consistantes. Et maintenant, à vous un peu de faire la suite parce que moi je suis fatigué. Du corned beef. Du corned beef. Donc, non, du ragoût. Du ragoût. Okay, bah, j'ai du ragoût. Du ragoût. Ou t'avais dit qu'on ferait du ragoût. Ah, il peut faire. Mais t'avais dit qu'on ferait du ragoût. Ça, c'est la pub Knacky dans les années 1830. 1830. Non, c'est... Mais t'avais dit qu'on ferait du ragoût, connasse. Parce qu'il était misogyne. Même l'enfant, tu sais. Bah alors, salope. Tu m'as pas fait mon ragoût. Et du coup, ouais, donc il lui a. Humour. Il lui apprend, enfin, il le soigne un petit peu parce qu'il s'est pété le dos. L'hernie discale. Et comment dire. Donc il lui soigne le dos. Tous les persos ont des hernies. Tous. Bah, c'est un western ou quoi? Nous un western ou pas? Hop là. Et comment dire. Oh, ça va, il a bon dos, hein, l'histoire de. Bah non, justement. Il a bon dos. Il a mal dos. Sur ce, je m'en vais. Il est mort tout cérébralement. Cérébralement, je suis mort. Et du coup, il lui apprend un peu. Il dit non, mais je sais pas pourquoi t'es venu dans cette ville. T'es pas le bienvenu ici. Tu ferais mieux de te barrer. Ça, c'est le vieux qui lui dit ça? Mais ouais. Mais non, le vieux, il est sympa. Mais non, justement, justement, il lui dit, mais justement, je sais pas. Ok, on croit au début qu'il est sympa. Pourquoi non, non. Mais en gros, il lui donne des conseils, genre, vraiment, il va mourir. Quelqu'un vient de tirer un coup de feu dans la cour. Non, mais vraiment, en fait. Non, c'était vraiment un pétard. Ouais, mais on est vraiment dans l'ambiance, quoi. Ah oui. Au Far West. On est au Far West. Eh, les cow-boys. Du coup, demain, les enfants, allez jouer avec votre carabine. Du coup, dans un premier temps, il va lui dire qu'il n'est pas fait pour ce monde, etc. Mais dans un deuxième temps, quand même, il va lui apprendre à se défendre, ouais, okay, à apprendre le maniement des armes, etc. Et il va forcément y avoir cette fameuse scène où il s'entraîne à tirer sur des bouteilles en verre. Moi, c'est mes moments préférés, oui, réellement. Parce que lui, il sait que tirer à l'arc à la base. Et il le fait sur son arc très rapidement. Il fait juste tomber les bouteilles. Il sort son arc, il vise comme ça et il fait. Bah quoi, il tire et la flèche, elle va à 2 cm, ça fait. Mais évidemment, c'est un arc de bébé. Tout le monde a la référence. J'ai la ref, oui. Ouais, c'est 77, le meilleur film du monde. Il y a pas de débat, Non, ça c'est sûr. Et oui, non mais ouais. Ouais, clairement il essaie de lui apprendre des techniques tir au pistolet. Voilà. Et il essaye aux échecs. À la carabine. Et il essaye de faire comme un arc. FAMAS. FAMAS, une arme française. Ah, de la fusil d'assaut de la manufacture, oui, d'armes de Saint-Étienne. Il y a un signe très, très, très fort au final dans ce film. C'est qu'il s'était fait refouler du calumet de la paix, ce petit personnage. Mais maintenant, il fait le gros winch sa mère. Le vieux va lui tendre sa cigarette et lui, il va le voir comme un signe cigare, de reconnaissance. Son cigare. Son cigare. Son cigare, le mec est tellement riche. Ouais. Non, ou alors c'est une pipe. Une pipe, ouais, ça mais marche. Un vieux qui propose une pipe à un petit jeune. C'est-à-dire, non, vraiment, je veux pas voir ce film. Bah, ça dépend qui, mais. Ça commence à devenir redondant, les gars. Ça va se voir. Tu veux une pipe? Non, mais moi je pensais. Attendez, il a quel âge? 13 ans. 27. Parce que moi je pensais, genre, il avait un peu plus de la vingtaine. Ouais, tu vois. À peine la vingtaine, genre. Parce qu'à l'époque, on vit 40 ans, grand max. Ouais, c'est vrai, il a la vingtaine. Qu'il a la moitié. C'est un senior, du coup. Ah ouais, non, mais le mec, il a la retraite, quoi. C'est déjà un vénérable. Ok, non, mais on vivait pas 40 ans, on pouvait vivre plus. Si donc ça va une 42, pipe, on peut, je pense. Bon, non, en plus. Oui, non, un petit peu, mais vraiment, je pense c'est plus 50, 50 non, mais... 60. Ouais. Mais la majorité sexuelle à cette année, c'était beaucoup plus bas, forcément, du coup. Bon, du coup, il faut faire une pipe. Le code civil de 1930, de 1800. Est-ce que la majorité sexuelle existait à l'époque? Ouais, déjà, non, il n'y avait pas de code civil. L'idée de consentement était assez floue. Ouais. On était encore sur des débats, hein, sur le consentement. Il a pas eu le temps de dire non, qu'il était pas débats, d'accord. Hein, je l'ai tué avant. Yes. Bon alors. Mais du coup, il lui dit des, il avec il le des conseils, il l'entraîne. Il l'entraîne parce que lui non, voilà. Lui il déteste aussi les cowboys, tu vois. Ouais. Non, il déteste. Attends, mais non. Ces parce mecs, que... ils ont pourri non. Notre vie. Non, elle était non, tranquille, que... ils ont amené. Il déteste les Indiens. C'est un peu con quand même. Non, parce que justement, oui, il déteste ces Indiens, mais pas lui parce que lui, il veut se venger. Oui, c'est ça. Les Indiens. En fait, c'est ça. Enfin, tu peux en tuer quelques-uns pour moi. Mais comment il le sait au départ? Il est pas, au départ, lui, il est pacifiste, il est pas contre les Indiens, tu vois. Mais genre, quand le petit bonhomme en mousse lui raconte son histoire et son histoire de vengeance, et bah lui, il se revoit parce qu'on peut imaginer qu'il avait une histoire de vengeance qu'il a déjà établie longtemps avant. Lui aussi, il déteste ces Indiens, cette tribu particulièrement. Ouais. Parce qu'en sinon, fait, c'est des gros connards, c'est une tribu de connards. Là, le message qu'on est en train de faire passer avec notre film, c'est les Indiens sont des connards, c'est ça? Non, tu viens de préciser cette tribu-là, précisément, tribu. Qui est une tribu de connards. Tu vois, c'est comme quoi tous les Français sont pas des connards, juste cette ville en particulier. Et ça fait Brest. C'est pas du tout insultant. Non, mais oui. Est-ce qu'on va insulter des gens dans chaque épisode? Oui. Yes. Et là, t'insultes les Bretons. Tu sais pas dans quoi tu lances une guerre. Parce que moi, j'ai des contacts. Non, parce qu'ils sont vraiment partout, par contre, vraiment. Là autour de on cette table, pas comme il y en a un, et demi. Non, c'est pas moi. Bah, il est un et demi tout seul. Lui. Ah, mais un homme averti en vaut deux. Ah, c'est comme ça que t'es venu la soirée déguisée. Wow. Non, j'ai pas la ref. Non, c'est normal, il y en a pas. Et du coup, il va y avoir toute cette scène. Du coup, ils apprennent au maniement des armes. Ouais. Et il nous ouais. faut une musique très poignante parce qu'au final, les dialogues s'arrêtent. Bah, le petit bonhomme en mousse. La version voilà. juste symphonique. Très poignante. Est-ce que tu peux chercher sur internet si ça existe la version orchestrale de Petit Bonhomme, s'il te plaît, mon Jérémy. Sinon, on tente si le décalage. Très déçu. Mais... Sinon, on tente le décalage avec la version pour flûte à bec atroce. Oui, bien sûr. Enfin, le générique, il faut que ce soit ça. Il n'y a pas d'autre solution. Allez, écoutez ça. Allez-y, continuez. Et du coup, ça, avec des passages du coup, où on a un peu moins de dialogue, etc. Mais du coup, attends, non, est-ce que l'instrument, tu sais, tout à l'heure, peut-être c'est dans la partie qu'on a coupée, mais oui. L'instrument tu parlais qui de jouer. Il fallait un mec avec un instrument. Ouais, mais ça, c'est, est-ce que c'est un blanc à bec. Est-ce que ça marchait si c'était un blanc, parce que voilà, c'est ça. Peut-être que le vieux monsieur, là, il lui passe, genre, hé, je t'ai appris à tirer au fusil et tout, mais aussi, je t'apprends la flûte à bec. Prends le triangle, pas en jouer, tu vois. Mais le problème, mais c'est que les Indiens, ils étaient un peu plus tambour, tu vois, tambour de guerre, etc. Tape avec la flûte. Il tape sur des tambours. La chanson. Il est numéro 1. Allez. Mais du coup, oui, on peut imaginer qu'en parallèle, il lui apprend un instrument parce que tout cowboy qui se respecte joue d'un instrument et ça lui permet au final de serrer une ou deux filles. De la taverne. Enfin, de la taverne. Du saloon. Du saloon. Ah, c'est plus ouais, et la seule qui est pas trop raciste. Et enfin, c'est payant de toute façon. Les prostituées. Bah oui. Ouais, bah oui, un petit peu, ouais. Non, mais revenons aux choses sérieuses. Plus tard dans le film, il va rencontrer une fille. Mais la fille, c'est qui ? Bonne question. Merci d'avoir posé. J'avais des idées, mais je me suis aperçu que c'était pas forcément très très bon. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est le petit bonneau en mousse ? C'est la pub. Attends. Oh. Qu'est-ce qu'il nous met là ? Je sais pas, je crois que c'est le petit bonhomme en mousse version métal. Le petit bonhomme en mousse. Et Antonin headbang en ce moment. J'ai peu de cheveux. Enfin, ce qui m'en reste en tout cas. C'est génial. Je Donc le gars chier. Il arrive dans le saloon, il fait ça. Il y a du gros métal. Il joue avec sa grosse gratte. Attends, tu peux faire un fail genre vraiment. Moi je dis quand il arrive et toi tu. Mets à zéro. Vas-y. Et là le mec il entre dans le bar. Ah, on fait la scène. On fait la scène si okay. Tu veux. Toi tu fais le bah, raciste et moi je fais l'indien. Ah j'ai pas les paroles du raciste du coup. Ah non c'est quand il l'entraîne. Oui. Ok. Ok. Ok. Apprends-moi, maître. Ok, non, je l'ai pas, pardon. Non, bon, y a pas j'ai pas compris l'histoire. On était sur quoi ? Non, mais je me suis perdu de séquence. De monter le son quand c'était le début de la scène qu'on allait improviser. Ok, bah vas-y. Je croyais que tu voulais faire la scène, il entre dans le bar et il y a ça, il joue ça au bar et il y a le... Mais il y a une scène généralement dans les saloons parce qu'il y a toujours des meufs. Ah, toujours. Bah, toujours. On l'a dit. On peut imaginer, même pour faire un peu roleplay, genre le mec, il arrive devant le micro, il fait... Tu vois, le mec un peu... 1, 2, 1, 2, test. Francky, la régie, ça va ? On peut balancer un milliard, j'ai pas de retour, j'ai pas de... Excusez-moi. Hein. Allez, musique ! Voilà, génial. Et là, genre, il fait l'unanimité parmi les cowboys. Allez, musique, je m'y attendais même pas. Tu l'as lancé au meilleur moment. Je te jure, j'ai mal au ventre tellement je rigole. C'est vraiment très très bon. Le mec est très beau en plus, il a un petit Fedora avec des lunettes de soleil. C'est quoi sa guitare ? Fedora. Une guitare. Yes. j'ai la même à la maison. C'est une bleue. Okay. En tout cas, c'est super. Mais ouais, du coup, il y a cette musique qui se lance. Yeah. Trop de soleil. Ouais. C'est pas en faisant ça que ça va s'en aller. Il agite les bras pour enlever le soleil. Et donc oui, donc on en était, il apprenait la flûte avec le gars, il avait appris à tirer au pistolet et tout. Je me suis éloigné du micro. Un Smith et Wesson. Ouais. Ok. Et ensuite, peut-être à un moment, le mec, il meurt. Oui. Bah forcément, il faut bien qu'il y ait un peu de malheur quelque part. Donc, voilà. Mais de quoi ? C'est une hernie, forcément. Mais genre, tu sais, c'est... À l'époque, ça se soignait pas, hein. Enfin, très mal. Un rhume, ça l'a achevé. En vrai. Bah oui, bien sûr. Moi, j'ai vu des épisodes... j'ai attrapé froid. Merde, tu vas mourir. Dans la petite maison dans la prairie, il y en a qui sont morts pour moins de ça, hein, je te le dis. Ah bon, moi, je te le dis. Et du coup, il meurt et c'est comme si c'était le seul ami qui s'était fait. C'est ça. J'ai roté, putain, pardon. Il meurt. Désolé, je suis un gros dégueulasse. Et il meurt tué par des hors-la-loi. Parce qu'on n'a pas parlé de hors-la-loi pour l'instant. Ouais, non, il meurt dans des circonstances bizarres et il le sait pas encore. Nous, on le sait pas encore comment il est mort. Enfin, on le devine parce que on est extérieur au film. Mais lui, il ne le sait pas vraiment qui l'a tué, comment. Mmh. Et en gros, c'est les mecs du bar qui ont vu qu'il l'entraînait un pot rouge. Des beaux gros racistes de merde. T'aides un pot rouge, ça va pas ou quoi ? Pan, t'es mort ! Ils disent pan et ils tirent en même temps. Du coup, on n'entend pas le pan. On entend Alors, je sais pas vous, mais moi, je vois vraiment les mecs un peu comme dans Retour vers le futur 3. Oui. Est-ce que c'est à ce moment-là que j'avoue que j'ai pas regardé ? Putain, j'avais oublié que c'était un western. Ouais. Non, c'est à moitié un western. Moi, c'est complètement western. À moitié. Ça doit être le premier western dont je me souviens. Pas toi, c'était à moi qui parlais. Oui, oui. Où t'as vraiment le beef tonner en fait qui arrive, genre Marty, c'est tout. Ouais. Ah, wow. Bon, c'est moi au niveau imitation, je me place. On va, revenir, on va retourner dans le passé. Ouais. Moi, quand je fais Jacques Chirac, ça donne ça. Salut, c'est Jacques Chirac. Salut, c'est Jacques Chirac. Et c'est la route, Jack Chirac. Je rajoute. Yes. Allez, la suite. Ouais. Donc oui, il a été tué le gars. Ouais, il a été tué et donc ça va être une double vengeance. Enfin, il va se rendre compte que la vengeance du début, elle est futile en fait, et voilà. Il va se venger sur les vraies personnes. Et un bien vaut mieux que deux, tu l'auras. Eh. Et ça peut être sa punchline. Il fait un duel. Faut que ce soit la fin. Après, je vais le générique avec le petit bonhomme en mousse en métal. Ok, il a deux guns. Moi, je fais. Bon, non, on parle de la okay, fin. Ok, ouais, ok, ok. Moi, j'ai une idée de la fin. Du coup, okay. Il faut qu'il y ait une scène un peu genre des choses que lui a laissé, parce que du coup, il a l'héritage plus ou moins, enfin, bah, le flutio, du vieux. Le flutio. Et du coup, la collection d'armes, enfin, on peut imaginer. On peut imaginer. Ouais. Beaucoup d'armes, ouais. Il mouline. Il a une manivelle dans sa truc. Voilà. Il a une manivelle. Manivelle. Une manivelle. C'est un objet un peu amérindien. Spécifique, pareil là, c'est. Saram. Il fait du kayak. Donc, ouais, donc là, le mec meurt, il récupère tous ses objets pour partir. Notamment ses armes, parce qu'il était surarmé. Il y a la scène caché, badass. C'était caché en fait. Il y a la scène badass après qu'il a pris 3 balles. Qu'il soit mort, où il s'équipe, genre, et il devient un mec totalement badass. Et après, non, c'est putain chier. De lourd, ça fait mal au dos. Et là, toujours le. J'en serais presque à m'en faire une hernie. J'ai ri si fort. Ouais, c'était génial, j'adore ce rire. Et voilà, du coup, il s'équipe et tout. Et avant, quand même, il va une dernière fois au bar et il commande un whisky. Parce qu'il sait qu'ils ne sont pas dans le bar quand il y va. Et le barman, il dit, vu comment vous êtes équipé, vous allez faire quoi? Non, je vais en finir avec tout ça. C'est surtout qu'il ne sait pas exactement qui c'est qui l'a tué. Du coup, il va avoir son enquête aussi. Surtout le truc tellement mal écrit, genre. Mais attendez, vous êtes quand même vachement bien équipé. Qui allez-vous donc tuer? Et moi, je vois un fort accord à ce moment-là. C'est-à-dire que le mec, il a des lunettes de soleil après. Ou... Des Ray-Ban, en plus, ça n'existait pas, tu vois. Les lunettes de soleil n'existaient pas à l'époque. Si. Le soleil n'existait déjà pas alors. Bah, on a inventé le soleil dans les années 1900, ouais. Donc début moi, moi j'ai entendu que t'as déposé le brevet du soleil à ce moment-là. Bah quoi. Oui, ah bah d'ailleurs, en parlant de ça, les mecs là, qui ont récupéré le soleil et qui l'ont foutu dans le ciel, pires anacres. Bah n'importe quoi. Mon grand-père il a un bout de soleil de genre de 1400 donc. Ah pardon, non mais j'ignorais. Okay. Après c'était peut-être pas le même soleil. Il y avait peut-être pas besoin de lui. Oui, peut-être... De toute façon la Terre est plate. Ouais, bah c'est ouais. Et bah, en même temps, donc pour en revenir au western, ils voilà. Pensaient tous que la Terre était plate. Et non, du moins, à l'époque, on savait déjà. Il n'y avait pas Internet. Ouais, mais c'était quand même. genre, on avait quand même une bonne idée, quoi. On faisait le tour du monde. Ouais, c'était con. Et du ouais, coup. Ouais, je peux pas te laisser dire ça, lui. J'ai un très bon ancêtre qui est compris. Qui a un bout de la Terre. On peut très bien voir que c'est rond. Et un tout petit bout de Terre, c'est très courbé. Une bille sur laquelle on a dessiné. Et ouais, du coup, il rentre dans le bar et voilà. Et le mec il dit qu'est-ce que vous faites avec toute cette arme? Je veux pas d'emmerde dans mon bar et tout. Et il dit non, vous inquiétez pas, j'ai quelque chose à régler. Ils vont dans le bar d'à côté. J'ai quelque chose à régler. Et il commande une limonade. Avoir des emmerdes dans un saloon ou western, c'est plutôt courant en fait comme principe. Oui, ouais, mais lui, il essaye de pas en avoir, le mec quand même. Il c'est va pas Suisse, dire en fait. Excusez-moi, bon, plus, si, vous, limonade, si hein. Vous pouvez vous engueuler avec quelqu'un et tuer tout le monde, moi ça m'arrangerait. Tu vois, non, il dit pas ça. Il boit un Coca-Cola, mais la première recette avec de la cocaïne. Ah oui, du coup il est waouh! Avec de l'alcool et de la cocaïne. Je fais tous les bouteilles! Le bon mélange. Dans le Coca-Cola original, il y avait de l'alcool et de la cocaïne. Mais c'était à très faible dose. Ah non. Mais du coup, c'est ça, c'est vraiment la scène. Ah oui, non, parce que le gars voulait en fait, et le gars qui a inventé ça était accro à la morphine et il voulait du coup se soigner avec une autre drogue. Ah oui. En gros, se dire, ouais, bah du coup, je vais devenir accro à la cocaïne et je vais plus être accro à la morphine. Complètement teubé. Et donc, il a créé ça. Mais du coup, je vois vraiment la scène du gars qui rentre dans le bar. Le gars qui lui fait, enfin, le barman qui fait. Oh, tu veux un whisky ou de l'eau de vie, ce que vous avez de plus fort. Et lui, il fait non, donnez-moi un soft. Il lui passe le coca, il fait oh putain, c'est énorme. Non, justement, genre, il fait non, juste un coca. Et puis là, il fait T'es un grand malade. Ah ouais, oui, genre, c'est... Genre, il le regarde en mode. Ah ouais, putain. On a c'est pas rigolo le mec. C'est pas rigolo lui. lui il veut vraiment en découdre. Lui, il a la vengeance dans la peau, lui. Dans la peau rouge. Oh là là. La vengeance dans la peau rouge. Toujours avec un scratch du pianiste. Ça, c'est bien là. Comme nom de film. Bah ouais. En vrai, est-ce qu'on. C'est pour le spin-off. Ouais. La vengeance. Parce que la vengeance dans la rouge. Peau, c'est le deuxième opus de Jason Bourne avec Matt Damon. La vengeance dans la peau rouge. Ah, j'aime trop. Mais franchement, en vrai, c'est à toi de choisir. Et à ce moment-là, en musique de générique, tu fais La vengeance dans la peau rouge. Ça y est, monsieur Bobo. C'est la musique dans la peau, je crois. La ouais, c'est musique. La musique dans bah, la il peau. Me semble, moi, je suis bah pas oui, c'est pour ça. Je suis pas. Ouais, mais là, comme audio-film, ça. Comme c'était ça. Une joke. Ah, okay. C'est un jeu de mots, en fait. Je sais pas si tu connais. Tu sais, c'est quand tu remplaces un mot par un autre ou. Oh ah, putain, c'est ça. Les mots valises. Deux mots qui sont différents. Les mots valises. Qui se ressemblent. Les mots valises. Qui te servent à faire tes vas-y, affaires. Les mots valises, pas moi, je, personne c'est pas un émotive. Jeu de mots, ça. Hein. Ça, c'est pas un jeu de mots, les mots valises. C'est deux mots qui n'ont rien à voir mis à côté de l'autre. Ça, ouais. Moi, je propose que t'ailles crever. Après, c'est. Bref. Ton pneu. Et ça, c'est un jeu de mots. Oui, il se pend. Il est en train de se pendre en direct. Ouais, c'est sympa. Ravi de te voir. Que... D'ailleurs, il n'y a pas eu de. C'est y a pas horrible encore comme van, là. Histoire. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas encore eu de. Bon, allez, faut finir, là. Ok, oui. Pardon. Il va. Il fait son enquête. Parce qu'il ne sait pas exactement qui c'est. Donc, il doit faire son enquête. Donc, il va y avoir des interrogatoires. Non, il demande au barman. Il dit bah, c'est eux qui l'ont fait. J'étais là. Bon, mais carrément, okay. Carrément. Et puis après, il y a le duel. Tu sais, le truc. Non, mais par contre, ils sont deux. Les mecs, ils sont. Genre, ils étaient quatre, mais les gars hyper, un peu extrémistes du groupe, ils sont que deux. Et du coup, c'est là que je reviens à mon idée de fin. Qui marchait avec ton titre, du coup, comme jeu de mots. En gros, il a deux flingues, lui. Il a deux flingues, deux holsters, plein de flingues. Tu connais bien les... T'es un connaisseur. Bah, il a des flingues, quand même. Enfin, sa famille est armurier. Il est armé. Hein. Et, ouais. Et les gars, les deux, ils en ont un seul et ils doivent dégainer. Donc, c'est un duel à trois, mais lui, il doit tuer les deux et eux, ils doivent... Mais à trois, on y va ou on compte jusqu'à trois et après, on y va. Jusqu'à trois et après, on y va. D'accord. Et ils font cette vanne. Ah, par contre, les termes. Enfin, un duel à 3 là, mais attends. Non, mais ça marche pas. Il n'y a pas de 1, 2, 3 dans un duel. Enfin. Non, mais faut que les règles soient claires. Parce que sinon, tu balances un si contre ou nous, on n'est si pas prêt. On part pas tous sur la même base. Le puits n'existe pas. Puis. Oh le bâtard. Putain. Et du coup, il est doué. Et du coup, il arrive à dégainer plus vite que eux. Et il regarde une meuf hyper bonne exprès. Et dit finalement. Indien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et voilà. Et là, t'as l'écran de fin. Et là, la fin où, un peu idyllique, où, avec des grandes prairies sur un coucher le de soleil. Le petit bonhomme en mousse. Tu peux remettre le petit bonhomme en mousse en métal. Oh là là. Pardon, non, mais je veux pas te poser un effort qui est quand même pas surhumain, c'est-à-dire appuyer sur play. Indien vaut mieux que deux, tu l'auras. Pas parce que là, il y a les paroles maintenant. C'est vraiment ouais. Pas mal en vrai. J'aime moi, bien. Ça me donne presque envie de l'écouter chez moi. Et bah, ouais, bah, sûrement. Est-ce qu'on peut dire que. Est-ce que cette fin vous convient? Oui, je la trouve. C'est une bonne bien. Fin de western. Une bonne vanne. Et après, moi, je suis vraiment. Il doit exister cette version-là avec de la flûte. C'est sûr. Shitty Flute. Alors, et ouais, Shitty Flute. Et du coup, je vais chercher. De toute façon, tous les trucs Shitty Flute. Le générique de. Luke. Parce que voilà, il y a le premier générique. Ah, mais un générique, mais d'un truc, d'un film connu. Genre Ennio Morricone, en Shitty Flute, ce que tu trouves, mais si tu trouves le petit bonhomme. Vraiment, moi, tu mets un Shitty Flute avec, pareil, avec Yann qui était invité il y a pas longtemps, qu'on connaît avec Tanguy, on bosse souvent ensemble. Enfin, et on a fait une émission. Big Up Yann. Bah oui, il était dans l'épisode effectivement. Et, et lui, on a fait un concours de celui qui ne devait pas rigoler. Et j'ai lancé Titanic version Shitty Flute, qui est vraiment l'une des meilleures vidéos d'internet. Après le YouTube poupe sur Motus. Ouais, aussi. Mais non, mais tu vois, ça c'est plus international, tu vois. Ouais. Et comment dire. Et il n'a pas réussi à ne pas rire. Avec des casous et tout, c'est génial. Et c'est la fin. Tu peux laisser ça pour le générique de fin. Ça du coup. Je dois raconter ma blague. Ah oui. Bah, merci ça. D'être resté jusqu'à la fin, en tout cas. On est bien d'accord que cette musique-là, le Shitty Flute, on la garde pour le dernier vraiment générique, là où il y a tous les intermittents du spectacle. Ouais, ouais. On est d'accord. Voilà. Donc, merci pour le générique de ce podcast. Merci d'être resté jusqu'à la fin. En exclusivité, donc, vous avez la blague de Théophile et on va pouvoir se quitter en présentant ce qu'on fait aussi après. Voilà, si vous avez apprécié nos voix et nos humours. Avant ma blague, un petit jingle. Vas-y. Ah, yeah. On va se faire strike si un jour il y a des règles de droit d'auteur sur les podcasts. Pas de règles de droit d'auteur sur les podcasts. On s'en balaie avec mon gars, tu sais. Je me prépare à chanter. Ok. Ah merde. C'est ça ta... C'est mon jingle. C'est la blague. Moi je pense que t'aurais pu juste laisser le jingle, mais enfin... C'est la blague. C'est tout. Allez, donc... Et maintenant, en gros, la blague. C'est l'histoire d'un Indien. Je suis déjà hilar. Il s'appelle Petit Train, qui passe par les campagnes, mais par les villes, qui passe les rivières et les volcans, qui passe les vallées et les montagnes. Mm-hmm. C'est son vrai nom, ça ? Voilà. D'accord, wow. Et en gros, cet Indien, il va comme ça à la mairie, et il y a le gars de la mairie qui fait « Oh, Petit Train qui passe par les villes, mais aussi les campagnes !» par les rivières, mais les volcans aussi, et qui passe aussi par les vallées et les montagnes. Comment ça va ? J'aurais fait... ouais, ça va. Mais tu viens pour quoi ? Je viens pour changer de nom. Ah bon ? Mais pourtant, c'est bien un petit train qui passe par les villes, mais aussi par les campagnes, qui passe par les rivières et aussi les volcans, et qui passe par les vallées et les montagnes. C'est bien, c'est comme ça qu'on a défini un western, long et chiant. Et après, il fait « Bon, tu veux t'appeler comment, du coup ?»« Chouchou. » Merci à tous. Bravo. Ah là là, vous avez bien fait de rester pour cette blague. On s'est fendu la poire. Est-ce qu'on peut mettre une petite musique très douce en fond pendant qu'on se présente et qu'on dit ce qu'on fait autre part sur Internet ? Eh bien, ça va être très compliqué. Tanguy, je déconne, je vais mettre une autre. Non, vas-y. Je vais mettre une autre musique. Ok, pardon. Une douce musique. Bah, du coup, maintenant, on passe en mode. On fait les musiques en live. En mode relax. Relax. Gilles-Noël. Gilles-Noël. Non, mais je mettrai la musique après. Tout ça, okay. Tout ce qu'il faut. Au montage. Bon, ok, je la mets. Dès qu'on lui dit le mot montage, il a une réaction allergique. Il a du urticaire. Ça, tu vois, c'est pas de la peau. Hein, c'est... Allez, Allez. Tanguy, est-ce que tu peux déjà te redire ce que tu fais ? Et également, est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ou quoi ? Est-ce que tu taffes ? Voilà. Alors, moi, je fais des pâtes carbo comme personne. C'est vrai. Qui sont très bonnes. Et sur les internets, vous pouvez me retrouver sur Le Bon Coin, comme je vous l'avais dit, où je vends des objectifs. Et sinon, non, de professionnel réel, à part des podcasts avec vous, pour l'instant, il n'y a rien d'accessible. D'accord. Eh bien, écoute, on a hâte que ça ne sorte pas, du coup. Voilà. Prochainement. Prochainement, ça ne sortira pas. En tout cas, ouais. Louis, est-ce que tu peux donc te représenter un petit peu professionnellement et est-ce que tu fais des choses qui sont trouvables sur Internet ? Du coup, prochainement oui. D'ailleurs. Alors, je suis toujours depuis le début de cette émission ingénieur du son dans un studio. Le truc que vous pouvez retrouver, c'est dans quelques mois au Japon, si vous vous déplacez au Japon, un film sur lequel j'ai bossé en tant qu'ingénieur du son. Mais bon, ce ne sera pas le cas parce que même moi, je me souviens même plus ce nom. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut juste dire sur quel film t'as travaillé qui a marqué des générations, qui est la suite des nouvelles aventures d'Aladin. Voilà. Non. Alors, j'étais pas ingé son là-dessus, j'étais assistant de studio, donc de préparation de séance. Mais t'es un génie, t'es un dieu pour moi. On a enregistré la BO d'Aladin 2 au studio. C'est vrai que c'est Aladin 2, j'ai raté. Aladin 2 est beaucoup mieux. Et du coup, voilà, à part ça, j'ai un EP qui est censé sortir depuis X années. C'est vrai que il devait le sortir pour mon anniversaire de 18 ans, j'en ai 19 et demi. Voilà. On ne compte plus, mais voilà, c'est ça. Moi, je compte encore les demi, donc ça compte. Et Théophile, est-ce que tu peux dire ce que tu fais en dehors d'Internet et sur Internet ? Eh bien, sur Internet, là en ce moment, à part le podcast, il n'y a pas grand chose. Je vais peut-être follow-moi sur Insta parce que je vais peut-être commencer à mettre des dessins dessus, des petites BD. Oui. J'ai aussi ma BD dans un fanzine qui, je ne sais pas quand il va sortir. Il est toujours pas sorti. J'avais dit qu'il était sûrement sorti dans le dernier épisode, sorti, mais malheureusement. Il est toujours pas sorti. Petit pied, quel branleur. Quel branleur, petit pied. Bah, petit pied, bouge-toi le cul. On va te mettre un petit pied au cul. Du coup, voilà, je ne sais pas quand il va sortir, mais il va sortir un jour. Donc follow moi sur Twitter. On peut rappeler tes identifiants. @bblindpanda pour Twitter. @théophile_du_bas. Et la question AV. Secrète, s'il te plaît. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Mot de passe, je suis un connard. C'est vraiment ça. Et toi, Antonin ? Ah, merci. J'ai peur qu'on oublie de me. Non. Bah non, quand même. Parce que Théophile ne fait pas son taf. Ah oui, putain. Donc, toi, Antonin, du coup, fait des émissions sur Minecraft tous les samedis soirs avec Yossé. Avec Sifano en featuring. Bah moi, c'est Antonin. Voilà, j'écris beaucoup de trucs en ce moment. Avec Yann, que vous avez donc pu entendre avec, aux côtés de Tanguy et moi-même sur l'épisode 2. On va sortir un truc, normalement, je ne sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, mais normalement ça ne sort dans pas très longtemps, qui est une émission où on vulgarise des concepts d'histoire ou de cinéma. C'est tourné monté c'est pas du tout tourné monté, non. C'est monté ensuite. Okay. Ah non, c'est en montage. D'accord, c'est en montage. Ça a déjà été tourné, donc ça va sortir. Ça a déjà été tourné, on a enregistré les voix, tout ça. Donc c'est des petites émissions de 5 minutes, on ne sait pas quand est-ce que, si on va faire ça souvent ou quoi, on a écrit 2 épisodes pour l'instant. Également une série avec ce même Yann qu'on a écrit, une série de 6 épisodes etc., qui sortira. Non, la musique qui recommence parce que je suis trop long. Ouais. Et voilà, ça sortira, donc vous serez prévenus en temps et en heure. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Ninotna, NYNOTNA. Vous serez informés de tout ce que je fais en van, etc. Et sur YouTube, pourquoi pas, je sors plus rien, mais c'est très rigolo. NYNOTNA également. Et bien, et voilà. Formidable. Et donc c'est ainsi que je... Voilà, pour la personne qui disait 1h50 c'est pas assez long sur iTunes, c'est cadeau, j'ai envie de dire. Ah oui, merci à la seule personne qui a du coup laissé un avis iTunes avec un commentaire. Mais en fait c'est même pas sûr qu'il soit plus long que 1h50. Ah non, je pense pas, mais c'est très gentil de dire que 1h50 qui est très long, ce n'est pas assez long. Voilà, voilà, c'est très gentil, mais quand même on va pas... Ça valait que 3 étoiles, moi, c'est ce que j'ai... Apparemment, il y a un connard qui pense que ça vaut que 3 étoiles. C'est pas un connard, il écoute ton émission. C'est un connard. Non, en vrai, on n'a pas... Il a lâché un commentaire. Mais s'il est... il a mis que 3 étoiles, de toute façon, il m'écoute pas jusqu'à la fin, donc il s'arrête au tiers. Et donc voilà, donc n'oubliez pas de laisser des avis sur iTunes, parce que ça nous aide beaucoup, les avis sur iTunes. Oui, voilà. Retweeter, partager. Si vous tweetez, retweetez. Ad vitam aeternam. Beaucoup. Ouais, retweetez beaucoup. Tout ça pour un mot. Voilà, partager. Cette petite musique, elle donne envie d'être calme. Elle donne envie de parler des heures et des heures. On va faire une deuxième émission. Excusez-moi, quelqu'un veut un café? Genre. Non, un cappuccino pour la 12. Mais c'est justement une musique, alors que je vais donner du crédit. Que j'ai piqué à Riviera Détente, qui est un podcast fait par Henri Michel, qui faisait partie de la Ligue du LOL, donc voilà. Ah merde. Donc il y a quelques temps j'aurais dit allez écouter Riviera Détente, maintenant j'aurais tendance à dire bof. Bah chier sur Riviera Détente. Non, ne chiez pas dessus. Non, parce qu'ils sont plusieurs à bosser dessus. Un petit raid en prévision. À bosser dessus, voilà. Mais enfin, voilà, vous le savez quoi, vous le savez. Vous le savez que cette musique, je la tiens de ce mec là. Nous, on fait pas partie de la Ligue de Log. Non, pas du tout. Il faut mettre des avis plus que 3 étoiles. Nous, on est... Ah, ça se trouve, il croyait qu'on était la Ligue du Log. Il a dit, bon, c'est fandard, mais... Bon, j'adore la Ligue du LOL. C'est vraiment très LOL. Hein. Moi, allez, perso... faut finir, là. Allez, sur ce, merci de nous avoir écoutés. À dans, j'espère, 2 semaines. Et ciao, bye-bye. Bisous. On vous aime beaucoup.